À l'occasion de la seconde diffusion de la pièce de Henri de Monterland, le cardinal d'Espagne, M. Maurice Escande, administrateur général de la Comédie-Française, vous parle de Henri Roland, le grand comédien disparu qui interprétait le rôle du cardinal Cisneros. Henri Roland, qui vient de nous quitter récemment, et je dois dire que c'est une immense perte pour la Comédie-Française. Henri Roland avait eu un prix d'excellence à l'unanimité au Conservatoire en 1906. Il n'est pas entré tout de suite à la Comédie-Française. Il avait été engagé par Antoine à l'Odéon. Là, il a joué Chatterton, La Maison des Juges, Rabuncho, Jules César, Le Roi Lear. Puis, il a fait une carrière au boulevard assez extraordinaire. Je me souviens de lui, vraiment, je l'ai connu de très jeune, j'ai quelques années de moins que lui, mais cependant, nous allions avec mes camarades le voir jouer dans tous les théâtres où il passait, car il était, pour moi particulièrement à cette époque, le jeune premier idéal. Je revois son beau visage d'alors, ses yeux vifs, cette chevelure sombre, aux reflets lumineux. Il avait une grande élégance. Il jouait souvent au boulevard des œuvres mineures, mais il y apportait toute sa foi, son talent, cette diction absolument extraordinaire qu'il a conservée jusqu'à la fin de sa vie et qui faisait merveille encore dans ce cardinal d'Espagne qu'il a joué jusqu'à la fin, je peux dire, tant qu'il a pu, car il avait un courage extraordinaire. Il était très malade depuis longtemps. Eh bien, il domptait cette maladie, il voulait être là, il voulait être présent dans ce théâtre, cette Comédie-Française qu'il aimait tellement. Je le revois encore dans mon bureau, venant le soir, vers 7h, 7h30, après les répétitions. Nous nous retrouvions là, et comme j'avais été assez malade, moi aussi, à un moment, nous blaguions, nous nous moquions de nos souffrances. Et il me disait, Maurice, ça va, on tiendra. Il a tenu aussi longtemps qu'il a pu. Il a été, je peux dire aussi, un des plus grands interprètes d'Henri de Monterland. On ne peut pas parler de sa carrière sans parler de cet immense auteur qu'est Monterland, car il a créé la plupart des grands rôles, que ce soit le maître de Santiago, que ce soit ce cardinal d'Espagne, que ce soit même au théâtre Héberto, Fils de personne. Fils de personne qu'il avait remis en scène, il n'y a pas tellement longtemps, au théâtre des Mathurins. Car il était aussi un metteur en scène et un professeur absolument incroyable. Car j'ai rarement vu des élèves aussi touchés, aussi pénétrés de ce que leur apportait leur professeur. Ils l'ont prouvé d'ailleurs, car à la fin de sa vie, à part sa fille qui s'est dévouée merveilleusement pour lui, il a été entouré de ses élèves. Ses élèves ne l'ont pas quitté. Ses élèves le veillaient. Ses élèves lui demandaient encore des conseils, car jusqu'à la fin, il restait très lucide. Eh bien, cet amour qui l'entourait, cette tendresse de ses élèves, prouve combien ils étaient reconnaissants, combien ils leur avaient apporté de choses. Et moi, j'ai ici des élèves d'Henri Roland, dans la troupe de la Comédie-Française. Je distingue tout de suite ce qu'ils ont pris en lui, c'est-à-dire l'intelligence, la sensibilité, la passion de fouiller les textes à fond, car il ne laissait rien au hasard. C'était vraiment un homme assez rare dans notre métier, et je voudrais beaucoup qu'il puisse servir d'exemple dans l'avenir à tous ceux qui aiment ce métier de comédien, qui est très difficile, mais qui est si beau quand ils trouvent un tel interprète. L'Office de Radiodiffusion Télévision Française présente, sous le haut patronage de M. le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission d'Éléonore Kramer. Vous entendrez aujourd'hui, dans un découpage radiophonique, le cardinal d'Espagne, de Henri de Monterland, joué par les comédiens français dans la distribution suivante. Le cardinal Cisneros, Henri Roland. Cardona André Falcon, Jeanne, reine de Castille, Denise Noël, le chapelain Ortega, Jacques Lorsay, Donia Inès, dame d'honneur de la reine, Lynn Noro, le duc de Estivelle, René Arieux, le le comte de Haralo, Daniel Le Courtois, Varacaldo, Michel Duchaussois, l'archevêque de Grenade, Simon N., le baron Van Arpen, René Camoin, Don Diego de la Motta, Paul-Émile Débert, le gentilhomme de la chambre, Dominique Levert, élève du conservatoire. Mise en scène de Jean Mercure. La tribune libre de Théâtre et Université réunira autour de Philippe de Chartres, Henri Roland, Pierre Cipriot, Gabriel Matzneff, Marcel Giraudet, Pierre Vincent, professeur de lettres supérieures au lycée Louis le Grand, et Rémi Brague, Jean-Loup Thébault, élève de lettres supérieures au lycée Louis le Grand. Veuillez écouter tout d'abord un avant-propos de Marcel Giraudet. Il est sûr que les personnages du cardinal d'Espagne ont appartenu à l'histoire. Ils ont pu être dans leur lointaine réalité, telle ou à peu près qu'ils vivent sur la scène, puisqu'aussi bien Monterlan a écrit 30 pages serrées de références historiques dans l'édition courante du cardinal sur Cisneros, Jeanne la Folle et même sur Cardona. Monterlan prend soin également de nous dire qu'il a sollicité et obtenu les avis favorables de grands ecclésiastiques sur la vraisemblance des propos de ces personnages dans le domaine religieux. Soit, mais dans la grande aventure de l'homme et des hommes sur la terre, ce qui donne au cardinal d'Espagne son poids et sa valeur, c'est que les deux héros de ce sinistre dialogue ont tenu dans leurs mains la puissance politique et le pouvoir absolu sur les âmes et les corps de leurs concitoyens. C'est donc une image de l'arbitraire et de ses conséquences que le cardinal d'Espagne nous offre. Demi-raison, demi-folie, goût amer d'écraser, de condamner, de mépriser, de maudire, aspiration vaniteuse de couvrir la dureté ou les échecs par l'excuse de la propagation de la foi, de la défense de l'Inquisition, de la sauvegarde d'intérêts prétendus supérieurs, tout cela, c'est le détail affreux d'une fresque où grouille dans les lointains, dans la coulisse, tous les malheurs, toutes les souffrances d'un monde oublié par deux êtres, un cardinal très vieux, une reine forcenée, entraînés l'un et l'autre dans un néant qu'ils ont avec acharnement mérité. Ce monde est dangereux et très amer. Il pose le problème de l'ambition et du pouvoir et de l'inquiétante ambiguïté de ceux qui l'assument. Le cardinal d'Espagne est-il le maître des sublimes fariboles et des mythes absurdes qui enflamment les hommes, évoqués par Monterlan en 1935 dans Service inutile? Ou bien est-il seulement un moment de l'histoire du monde, comme il disait en 1931, « L'histoire du monde est une histoire de nuages qui se construisent, se détruisent, se dissipent, se reconstruisent en des combinaisons différentes, sans plus de signification ni d'importance dans le monde que dans le ciel. » Depuis la mort du roi Philippe, sa femme, Jeanne la Folle, et son fils Charles, le futur Charles Quint, règnent conjointement. Mais en vérité, pendant que Jeanne vit recluse à Madrid et que le jeune Charles tient sa cour en Flandre, l'Espagne est gouvernée avec une poigne d'acier par le vieux régent, le cardinal Cisneros. Ce moine franciscain, parvenu au faîte du pouvoir, est haï des grands qui souhaitent sa mort ou son exil. Le jeune roi Charles est revenu en Espagne et chacun se demande ce qui va naître de la rencontre de Charles et de Cisneros. Nous voici dans le cabinet de travail du cardinal. Il est là, en compagnie de son neveu, le capitaine Cardona, devenu par sa faveur le tout-puissant commandant de sa garde personnelle. J'ai encore dû vous défendre contre un de ces messieurs qui vous caressent si doucement. Il est étrange qu'il faille toujours me défendre, alors que depuis 25 ans, je n'ai fait que du bien à l'Église d'Espagne et au royaume. Mais pas aux grands. Votre dernier coup, supprimer leurs pensions. J'ai supprimé les pensions des grands pour que le roi pût les rétablir. Je me suis chargé de leur haine pour lui acquérir leur amour. Vous irritez tout le monde. D'abord en étant le maître. Ensuite, parce que vous demandez pour vous, qui contrarie les gens, et parce que vous ne demandez pas, qui leur fait croire que vous leur donnez la leçon. vivez dans une corbeille de reptiles. Et il va y en avoir un autre. Un serpent à la tête pâle qui s'est glissé tortueusement des Flandres jusqu'ici pour enlacer et étouffer le brave lion de Léon. C'est à ce propos que j'ai désiré de vous voir. Monseigneur mon oncle, j'ai une requête très pressante à vous faire. Je vous demande une nouvelle charge en place de celle que vous m'avez donnée ici. Je vous demande en grande grâce de me renvoyer à mon corps, ou à un autre, au fond des provinces. Il est pourtant assez notoire que j'accorde quelquefois ce qu'on ne me demande pas, mais que je n'accorde jamais ce qu'on me demande. Il y a un an que je commande votre garde au palais de la Régence. La reine Jeanne, Dieu merci, ne sait pas même que j'existe. Vous étiez le maître, et vous êtes mon oncle. Désormais, il va y avoir ce jeune homme inconnu. Il ne s'annonce que par le mal qu'il fait. Il est entouré d'étrangers qui ignorent, détestent et méprisent l'Espagne. Nous sommes leurs Indiens! S'il l'ignorait et la détestait seulement, on pourrait espérer. Mais le mépris est le plus impitoyable des sentiments. La cour va être un enfer. Et un jour, vous ne serez plus là. Il y a 300 hommes autour du conseil de régence qui craignent, comme vous, les malignités du roi, et qui ne quitteraient pas le conseil pour tous leurs desseins. Le jeune homme qui s'approche m'insultera, comme il vous insulte. Mais je ne puis pas supporter des insultes. Sous elles, je perds toute maîtrise de moi. Mes mains tremblent, mes idées s'embrouillent. Vraiment? À ce point? Feignez de n'avoir pas été insulté. C'est un exercice que je connais bien. Il m'est arrivé, ayant été insulté, de trouver un billet pour dire merci. Vous êtes un politique. Je suis un soldat. Non, on ne sent pas les affronts quand on a un but et que ces affronts ne vous en détournent pas. Seulement, avez-vous un but? Écoutez autre chose. Si j'ai subi du roi quelques piques, elles ne sont rien auprès de toutes les occasions où il me traite comme je dois l'être. Je lui ai écrit maintes fois, mes lettres n'étaient pas toujours douces. Je lui ai donné des conseils opposés au sens où il allait. Je lui ai fait des remontrances, beaucoup de remontrances, sur ses dépenses et sur bien d'autres objets. Je lui ai rappelé aussi que la paix de ses royaumes et son autorité dépendaient de la Sainte Inquisition. Il m'a toujours répondu de la manière la plus gracieuse. Tenez, il vient de m'envoyer une lettre qui est la meilleure lettre que j'ai eue de ma vie. Charles, roi de Castille, à François, cardinal de Tolède, notre ami bien-aimé. Ces mots me feraient frémir. Si ces mots vous faisaient frémir, c'est que vous seriez dans une disposition à frémir. Disons qu'ils sont une formule de cour, mais la lettre a aussi du solide. Le roi s'y rend bonnement à mes avis. Il vous doit bien cela. Il est roi parce que vous avez réussi un acte d'intimidation, dont certains même murmurent qu'il ne manquait pas d'effronterie. C'est une décision que j'ai prise à genoux devant la croix. Comment peut-on la discuter? Là où vous n'étiez pas, en Aragon, les Cortés ont maintenu leur refus. Charles n'est pas roi d'Aragon. Au vrai, peu importe que je sois ou non l'ami bien-aimé du roi. Moi, j'ai à le servir. Lui, il a à se servir de moi et à m'entendre. Il n'y a pas besoin d'amour dans tout cela. Le roi Ferdinand m'aimait-il? Il m'a breuvé de perfidie et d'outrage. Mais qui n'était pas des outrages. Un roi est trop haut pour pouvoir outrager. Faut-il vous rappeler toutes les traverses qu'il m'a faites quand je préparais à mes frais, à 70 ans passés, la conquête d'Oran? Vous connaissez sa parole? Elle est célèbre. Que le bonhomme y use sa vie et son argent. Et cela n'était pas dit, mais écrit. Et avoir fait ensuite vérifier tous vos comptes dans votre maison. Comme si vous étiez un caissier escroc. Que serait-ce qu'être fidèle si on n'était fidèle qu'à ceux qui vous aiment? L'ingratitude est une passion. Elle donne tant de plaisir à celui qui l'exerce qu'il ne serait pas charitable de la lui refuser. Et puis, la politique étant le réel et la reconnaissance étant affaire de sentiments, il serait déplorable que la reconnaissance intervienne en politique. Elle y fausserait tout. Et qui donc peut se plaindre de quoi que ce soit venant des princes, quand Christophe Colomb est revenu des Indes, chargé de chaînes, et a vécu ses derniers jours négligé et dédaigné par Ferdinand, quand le plus grand homme de guerre de l'époque, notre Gonzalve de Cordoue, est mort, confiné dans ses terres, pour y expier sa supériorité, mais recommandant sa fille au roi sur son lit de mort. Ces deux hommes avaient apporté à l'Espagne une gloire et un profit immense, et ils ont été traités comme des chiens. Pourtant, il faut adorer les injustices des rois, puisque les rois sont les ministres de Dieu sur la terre. Bon, l'ingratitude n'est pas bonne seulement en politique, elle est bonne en soi. Elle nous rappelle que nous n'avons rien à attendre qui ne vienne de Dieu ou de nous. Et il est une autre raison pourquoi je la trouve bonne. Vous ne devinez pas laquelle ? Non. Vraiment ? Vous ne devinez pas ? Mais non. Parce que je suis chrétien. Quand on me frappe, je pense à mon Sauveur. Vous voyez mon visage ? Il est couvert de crachats, comme le sien. Mais il faut que les épines entrent dans le crâne pour que la couronne tienne bien sur la tête. J'ai cette couronne-là, si je n'en ai pas d'autre. Moi, j'ai peur d'une épreuve. Ou plutôt, j'ai peur de moi-même. J'ai peur de ne pouvoir supporter cette épreuve. Vous me mésestimez, sans doute. Plaignez-moi plutôt de n'être pas plus sûr de moi. L'horrible chose, se sentir à la merci de quoi que ce soit qui peut vous arriver. Il s'agit donc moins de fierté que de faiblesse. Des épreuves, hein? Comme si j'avais eu autre chose que cela toute ma vie. Depuis mon prédécesseur à Tolède, qui m'a fait mettre en prison pour 6 ans, jusqu'à mon frère, qui a cherché à m'assassiner, au général de mon ordre, qui est venu vomir contre moi chez la reine, à mes subalternes qui m'ont traversé et trahi, au grand, qui me défie, hein? Et se révolte chaque fois qu'ils le peuvent. Sans cesse, il y a quelqu'un d'ici qui me dénonce au roi comme un écolier fautif. Et hier, à Villa Flades, le fils du duc d'Urania et ses amis ont fait promener dans les rues un mannequin grotesque me représentant qu'on a fini par mettre en pièces. Oui, mais ce sont toujours les mannequins me représentant qu'on met en pièces. Ce n'est jamais moi. N'avez-vous pas senti quelquefois, à votre égard, un peu de reconnaissance? Il m'est arrivé d'entendre la nuit dans un rêve me parler comme ils auraient dû me parler des gens à qui j'ai fait du bien. C'est tout. Des hommes qui autrefois vous soutenaient et qui aujourd'hui vous abandonnent. Ils me reviendront quand je le voudrai. On dit cela. Monseigneur, monsieur le chapelain Ortega est là. Il dit que vous lui avez accordé une audience à 11h. Ah oui, faites-le entrer. Restez. Ce chapelain appartient au duc de l'Infantado. Le duc est en procès avec le comte de Corogne. Son procès est mauvais. Mais le duc paye si bien qu'il y a des années que l'affaire était en sommeil. Je l'ai réveillé, on a jugé, et le duc a perdu. Je suis curieux de savoir ce qu'il me fait dire. D'autant plus qu'on m'a prévenu que le chapelain n'est pas une lumière. En fait d'études théologiques, Il a surtout été chantre à la chapelle du roi Ferdinand. Ah, écoutons ce qu'il va nous chanter. Ah, or ça, monsieur le chapelain, vous avez à me parler de la part du noble duc. Voyons ce qu'il vous a chargé de me dire. Monseigneur, que votre seigneur irrévérendissime me pardonne ce que je vais lui dire. Tout m'a été dicté par le noble duc, mon maître. J'ai tout inscrit. Rien n'est de moi. Moi, je crois que votre seigneur irrévérendissime est le plus grand homme d'Espagne, qu'elle est le miroir de la vérité et le soleil de la justice. Oui, je sais. Donc, je ne fais qu'obéir et suis pardonné d'avance. Oui. Allez. Premièrement, le noble duc m'a chargé de vous dire que vos méthodes pour convertir les Arabes avec des sévices et des cadeaux étaient indignes d'un chrétien. Item, que vous étiez un tyran. Le duc a répété le mot 3 fois. Il est souligné 3 fois sur mon papier. Item, que c'était le roi catholique qui avait financé l'expédition de Rouen et non vous, comme vous cherchiez à le faire croire. Oh, monseigneur, dans tout cela, c'est le noble duc qui parle, moi... Le chapelain se jette à genoux, baise les mains du cardinal et tente de lui baiser les pieds. Est-ce tout ? Oh, que non ! Mais puis-je continuer ? Sûrement. Attendez, il faut que je regarde mon papier. Item, que votre façon de faire la guerre de Navarre a étalé une barbarie toute nouvelle et qui a choqué jusqu'à vos partisans. Parce qu'il vous arrive, a-t-il dit, de préférer votre méchanceté à vos intérêts, ce qui est fâcheux pour un homme d'État. Est-ce qu'il a dit méchanceté ? Non, il a dit dureté, de préférer votre dureté à vos intérêts. Item que... Oh, monseigneur, non, je ne continuerai pas. Dieu me pardonnera d'avoir désobéi à mon maître. Et moi, monsieur le chapelain, ai-je le droit de répondre au noble duc ? Oh, oui, monseigneur. Mais vous souviendrez-vous bien de ce que vous aurez à lui dire ? Vous semblez n'être pas très sûr de votre mémoire, hein, puisque vous avez un petit papier. Voulez-vous noter ? Oui, monseigneur. Eh bien, vous direz au noble duc qu'il est un imbécile. Oui, monseigneur. Ensuite, vous l'embrasserez de ma part. Hein? Car c'est un bonhomme, malgré tout. Oui, monseigneur. Oh non, ça je n'oserai jamais. Vous avez bien osé me dire tout ce que vous venez de me dire. Mais j'obéissais, monseigneur, j'obéissais. Vous n'allez pas me mettre en prison. Retirez-vous, monsieur. Et que Dieu vous garde. Que je souhaite au noble duc d'avoir toujours beaucoup de serviteurs tels que vous. Mais un conseil, ne redevenez pas chantre. Restez chargé de mission. C'est pour cela que vous êtes fait. Que pensez-vous de cette bonne farce ? Que vous êtes bien indulgent. Moi, je pense que ce pauvre diable est bien courageux. Après tout, je pouvais le faire arrêter. Et vous avez ri. Oui, je vous l'ai dit. Être insulté m'amuse. Ce qui prouve que vous n'aimez pas beaucoup les hommes. Je gouverne. Je sers donc les hommes. Pourquoi ai-je ri ? J'ai ri de sentir que je ne souffrais pas de ce qu'il me disait. Je ne souffre pas des hommes qui m'insultent. Je souffre des hommes qui m'indignent. Je suis comme un vieil arbre, tout pointillé de coups de bec par les pics. Il n'en a pas perdu une goutte de sa force pour cela. Ou comme un fleuve que les enfants criblent de pierres et qui continue. Je sais bien qu'il me faudra disparaître. Et cela n'est pas pour demain qu'on ne m'ennuie pas avec ma mort. Hein. J'ai autre chose à faire qu'à mourir. J'ai des affaires à régler. Et non à me préparer à la mort. La nature peut contre moi. Les hommes, eux, n'ont jamais rien pu de sérieux contre moi. Ceux qui me veulent du mal me donnent un spectacle comique. Mais cela est difficile à leur faire comprendre. Sachez que je fais ce qu'il faut pour qu'on me haïsse. Et que je remonte quand bon me semble cette machine de haine. Celui à qui vous parlez vit toujours sous des menaces. Et juge que c'est cela qui lui permet de vivre. Les menaces l'empêchent de somnoler. Je suis convaincu que votre énergie, le soir, suffit seule à vous empêcher de dormir. Il est vrai que je n'ai jamais moins dormi qu'à présent. Vous travaillez trop. Je ne travaille pas trop. Si j'ai vécu jusqu'à l'âge que j'ai, c'est parce que j'ai servi la religion et l'État. Si je n'avais pas servi la religion et l'État, je serais mort il y a 20 ans. Je comprends que lorsqu'on se lève chaque jour à 2h du matin, on se croit tenu d'être exigeant pour les autres. Je ne dors pas la nuit pour que ces autres puissent dormir à l'ombre de mes veilles. Mais il y en a qui sont un peu agacés de respirer auprès de vous un air trop fort. Vous, par exemple. Alors, faut-il que j'avoue des faiblesses que je n'ai pas pour vous faire plaisir? Je parle sans fausse honte de cette force, parce que c'est une force qui m'est donnée. Personne que Dieu ne pourrait faire surgir tant de force que tant de fatigue. Oui, vous avez le visage fatigué. Laissez donc en paix mon visage. La cornée de vos yeux est jaune, regardez-vous dans une glace. Mêlez-vous de ce qui est important et non de ce qui ne l'est pas. Moi, à cette heure, j'avoue une faiblesse que j'ai. C'est une heure où je suis vulnérable. Vous savez pourquoi? Un rhume de cerveau, peut-être? Avec ces premiers froids de novembre? Non, monseigneur. Une petite fille de 9 ans. Ma fille, qui est morte la semaine passée. Mais cela, monseigneur, vous l'avez déjà oublié. Et d'ailleurs, comme il est naturel, vous ne savez pas ce que cela peut être. Vous avez encore 4 enfants à élever pour qu'ils servent Dieu. J'ai besoin d'une barrière de sympathie pour me protéger contre je ne sais quoi. Ces moments où l'on est comme les moribonds qui ont envie qu'on leur tienne la main. On se tire toujours de l'inextricable. J'en suis un exemple. Bien les choses qui paraissaient de grands problèmes n'en sont plus quand on a le nez dessus. J'ai échappé à la reine parce qu'elle vit recluse et ne me connaît pas. Dépendre des lubies d'une folle toute puissante, avec cela méchante et haineuse, comme les femmes des empereurs de Rome. Oh, Dieu met la main aux grands événements, il laisse les autres au gré du hasard. Minuscule événement que je suis, je vous demande de diriger mes hasards. Votre femme... Léonore est tout acquise à l'idée que nous quittions Madrid. Léonore est-elle toujours gorgée de romans de chevalerie? Léonore lit des romans de chevalerie, comme tout le monde. Si Léonore souhaite que vous quittiez Madrid, je vois donc que vous parlez. Sérieusement? Très sérieusement. Éloignez-moi des fauves. Renvoyez-moi avec mes soldats. Je ne demande qu'une chose, être oublié du pouvoir. Être oublié du pouvoir. Car il n'y a pas le pouvoir, il y a l'abus de pouvoir. Rien d'autre. Si naïf que je sois, j'ai appris cela quand même. Ici? Partout. Eh bien, non! Louis, vous resterez à Madrid. Parce que vous ne voulez pas avoir honte de moi. Parce que je veux vous soutenir contre votre part mauvaise, comme c'est le droit de le faire quelqu'un qui vous aime. Je vous aime beaucoup, mon cher Louis. En souvenir de votre mère. Vous m'aimez en souvenir de ma mère. En souvenir de votre mère et pour vous-même. Et c'est parce que je vous aime et parce que vous êtes de ma famille que j'agis ainsi. À cause de mon amour pour vous, à cause de mes devoirs envers vous, à cause de l'honneur de la famille, et aussi parce qu'étant votre parent, je dois vous traiter plus sévèrement que les autres. Je reconnais là votre charité. Ma charité? aux Indes, en Afrique. J'ai donné la foi à des centaines de milliers d'êtres. J'ai fait d'eux des âmes. Cela est la charité, il me semble. Enfin, il y a cette charité-là que j'ai. Et il y a l'amour de Dieu que j'ai. Voilà beaucoup d'amour. Mais il s'agit d'autre chose. Vous craignez le roi, vous craignez la reine aussi, elle vous avait connu. Mais tout cela est indigne de vous et de nous. Ce n'est pas tout qu'être père de 4 enfants. Il faut encore être homme, et non soi-même enfant. Et ce n'est pas tout qu'avoir le courage militaire. Il faut avoir aussi le courage privé. Quand un gamin a peur de nager, on le jette à l'eau. Il y a des enfants qu'on jette à l'eau pour qu'ils nagent, et ils se noient. On n'oblige pas les gens à avoir du courage dans un sens où ils n'en ont pas. C'est assez qu'ils en aient ailleurs. Je suis courageux et craintif, robuste et fragile. Est-ce que vous ne comprenez pas cela? Vous n'avez pas à être ce que vous êtes, mais à être ce que vous devez être. Et il ne faut pas non plus forcer les gens dans les toutes petites choses sans nécessité certaine. Mais vous voulez qu'on soit comme vous. Courageux parmi les traquenards de Madrid et courageux à la guerre d'Afrique. Comme vous. Toujours comme vous. Toujours vous, en exemple. Et c'est vrai. Que faire sinon se montrer quand on s'est hissé aussi haut que vous l'êtes? Pourtant, j'y songe. Quand vous n'avez pas voulu confier le commandement de l'expédition d'Oran à Gonzalve, à qui il revenait de façon si éclatante, parce que le roi ne l'aimait pas. Était-ce là du courage? Vous jugez de choses que vous ne connaissez pas et que même si vous les connaissiez, vous ne comprendriez pas. Et puis, méfiez-vous de l'insolence. Il n'y a rien de plus drôle que quelqu'un qui n'est pas fait pour l'insolence et qui s'efforce d'être insolent afin de se mettre au ton d'un insolent né. Donc il souffre. Vous qui méprisez avec tant d'allégresse. Savez-vous que les Alpes, les Infantados, les Estivelles, enfin les très grands, eh bien... Eh bien. Non. On ne peut pas dire cela. Dites-le, je vous l'ordonne. Eh bien, pour eux, malgré tout et au bout de tout, vous êtes resté le petit frère d'autrefois. Ils vous méprisent. J'aime leur mépris. Quelle parole! Le comble de l'humilité ou le comble de l'orgueil? Cessez donc de vous occuper de ce que je suis. Mais pourquoi supportez-vous d'entendre de votre bouffon, de ce nain répugnant, ce que vous ne supportez pas d'entendre de moi? Vous êtes fier d'avoir maintenant encore tant d'insolence. Mais qu'importe, puisqu'elle tombera tout d'un coup. La partie est perdue, vous le savez bien. Pourquoi hennir et se cabrer quand tout finit par la résignation? À quoi bon étreindre d'une main si ferme, puisque la main d'un moment à l'autre va s'ouvrir? Pourquoi être impitoyable quand dans un instant on sera digne de pitié? Il faut que les choses aient un sens. Votre énergie est quelque chose qui n'a plus de sens. Peut-être même. Verrez-vous s'écrouler sous vos yeux des pans entiers de ce qu'il vous a fallu une vie pour construire. Il n'y a plus d'issue pour vous que sur le terrible. Cisneros frémit. Il veut se lever, mais il ne le peut qu'avec peine. Cardona s'approche de lui pour l'aider. Le cardinal le repousse et se dresse très droit. Jusqu'à mon dernier souffle, je garderai ma raison d'être. Hein, notre entretien est terminé. Pardonnez-moi, mais vous m'avez blessé au moment où il fallait vous en garder bien. Et vous le saviez. Je suis un homme sensible. Je n'ai que faire des hommes sensibles. le lendemain dans le château de la reine à Madrid. La chambre de Jeanne est toute tendue d'étoffes sombres. Jeanne est assise sur une haute cathèdre, le visage recouvert d'un crêpe noir. Le cardinal Cisneros, drapé d'écarlate, met les pieds nus dans ses sandales de franciscain, est entré accompagné du capitaine Cordona. Mais la reine a congédié le capitaine. Jeanne et Cisneros, maintenant, sont face à face. Madame, depuis un an, vous avez refusé de me donner audience. Pourtant, vous le faites enfin. Et j'en rends grâce à votre majesté. C'est que la circonstance est de poids. Le roi, votre fils, sera dans quelques jours à Madrid. Toujours des faits, toujours des faits. Vous recevrez le roi, n'est-ce pas, comme vous l'avez promis? Non. Comment? Le fils du grand roi qui a été l'unique affection de votre vie? Oui, je le recevrai. Quel âge a-t-il? Il doit bien avoir 30 ans. Il a 17 ans. L'âge où je me suis mariée. Le roi en avait 18. Madame, il faut que vous... Il faut que je... Il est très souhaitable, dans l'intérêt de l'État, que vous receviez le roi entouré d'une certaine pompe, que vous usiez de cet événement pour vous montrer au peuple, même si vous refusez de participer aux affaires. Mais les petites gens se prennent avec de l'ostentation. C'est pour cela que vous avez les pieds nus, avec un saphir au doigt. Et j'ai les pieds nus parce que je suis moine franciscain. J'ai un saphir au doigt parce que je suis cardinal et que le pape m'a ordonné de paraître comme un cardinal doit paraître. C'est juste. Il y a 11 ans que votre majesté n'assiste plus à aucune cérémonie, qu'elle ne se laisse plus voir par personne. Je sais que votre majesté a ses raisons. Mes raisons sont que cela me plaît ainsi. Vous ne gouvernez pas et vous ne sortez pas. Mais on ne vous reproche pas de ne pas gouverner. On vous reproche de ne pas sortir. Autrefois, je voulais sortir. On ne me permettait pas de sortir. Aujourd'hui, vous vous cachez tellement qu'il y en a qui croient que vous êtes morte. J'aime beaucoup que l'on me croie morte. Vous ne posez jamais le regard sur moi. Mon visage vous fait peur? Vous voyez ces marques? Ce sont les chauves-souris, elles sont sans cesse autour de ma tête. Je ne veux pas me montrer parce que mon visage fait peur. Et je ne veux pas parler parce que quand je parle, je ne peux plus cacher que je suis folle. Un peu de douceur me guérirait. Mais je sais que c'est demander beaucoup. Personne n'a jamais dit que vous étiez... Si! Vous, avant quiconque! Nul n'a voulu avec plus d'âpreté que vous que je sois prisonnière ici. Et vous avez tout fait pour qu'il soit solennellement déclaré par les Cortés que j'étais folle et incapable. Et ça a été votre premier acte quand vous avez eu les pleins pouvoirs. Aujourd'hui, tantôt on dit que je suis folle, tantôt que j'ai tout mon sens, selon les intérêts politiques du moment. En réalité, je suis folle. Les gamins qui jouent sous mes fenêtres crient toute la journée. En mai, je le serai davantage encore avec les premières chaleurs. La chaleur tourne le vin et les cerveaux. La chaleur est horrible. Le froid est horrible. Tout est horrible. Si on savait contre quoi j'ai à lutter, on trouverait déjà admirable que je sois ici à m'entretenir avec vous. Pourquoi êtes-vous venu me voir? Parce que cela me plaît ainsi. Madame, que votre majesté me croie, il vaudrait la peine de... Rien ne vaut la peine de... Le roi et la reine règnent ensemble. La reine et le roi règnent ensemble. Dans les actes, je suis nommée la première. Votre majesté a raison d'être très stricte sur les égards. Tout est blessure quand on est blessé. Et bien que la reine et le roi règnent ensemble, cela doit être montré à tous de façon éclatante. Je suis fatiguée. Ne me laissez pas me jeter sur mon lit. Si je m'y jetais, je ne pourrais plus me relever. Je ne peux plus faire un geste que boire un peu d'eau passée dans de la neige quand je souffre trop. C'est cette petite eau qui me maintient en vie toute la journée. Il faut que je vive au moins jusqu'au moment où je boirai ma petite eau. Jadis, je mourrais ainsi tant que je n'avais pas vu mon roi Philippe. C'est lui qui était ma petite eau. Il y a 11 ans, depuis sa mort, que je regarde les choses d'ici-bas comme les regarde celui qui sait que dans quelques jours il aura cessé d'être, avec une indifférence sans rivage et sans fond. Pourquoi ferais-je d'autres actes que celui de boire puisque je n'ai pas envie de ce qu'il me ferait obtenir? Aussi je ne l'ai fait pas. Ou si je l'ai fait, c'est avec une telle souffrance. Et au-delà de cet acte fait, il y a une autre souffrance parce qu'il n'y a plus d'acte à faire. Et alors, c'est le vide. Tout cela, madame, doit vous donner des journées bien longues. Mourir est très long. Mais d'aventure, la nuit dans un de mes sommes intermittents et bref, j'ai un beau rêve, toujours avec mon roi Philippe, qui rachète 1000 heures de ma vie et je ne me couche jamais sans dire « Seigneur, rendez-moi dans mes rêves ce que vous m'avez retiré dans la vie. » Dieu ne s'occupe pas de nos rêves. La puissance des ténèbres s'en occupe. Ne m'épouvantez pas sur le peu de bonheur qu'il me reste ici-bas. La plupart des bonheurs doivent être attentivement surveillés. S'il m'arrive quelque chose de trop cruel, je songe à mon mari. Et pour un moment, le monde m'est rendu tolérable. Il y a dans ma vie un souvenir. Et c'est cela qui me permet de supporter cette vie. Rien d'autre ne me le permettrait. Il y a un souvenir et rien. Et quand je souhaite trop la mort, je me dis que morte, je ne me souviendrai plus et je n'ai plus envie de mourir. Eh bien, madame, voilà des pensées qui ne vous portent pas au règne. Il y avait un roi qui s'appelait Philippe. Sa peau sentait bon, ses cheveux sentaient bon. Allons, le roi vous frappait. Il vous enfermait à clé des jours et des jours. Il vous trompait avec n'importe qui. Votre foyer était un enfer. Pardonnez-moi, ce sont là des faits qui ont couru toute l'Europe. Parfois l'été, il dormait nu. Madame, je vous en prie. Alors sa poitrine était comme les montagnes. Ses jambes étaient comme les racines quand elles s'étendent au pied des arbres. Cette toison était comme la toison des bêtes. Madame, il ne me faut pas moins que la plus forte prière intérieure pour chasser les images affreuses que vous évoquez. Je vous conjure de ne pas continuer. Dans toute ma famille et tout ce qui m'approche, et cela depuis que j'existe, je n'ai connu personne que moi qui aima. J'en ai vu prendre des mines horrifiées parce que j'avais baisé les pieds de mon roi mort. C'est qu'il n'avait jamais aimé. Il y a toujours deux mondes impénétrables l'un pour l'autre. Le monde des prisonniers et le monde des hommes libres. Le monde des malades et le monde des bien portants. Le monde des vaincus et le monde des vainqueurs. Le monde de ceux qui aiment et le monde de ceux qui n'aiment pas. Je suis du monde de ceux qui aiment et ne suis même que de ce monde-là. Vous n'êtes pas de ce monde et n'avez pas notion de ce qu'il est. Lorsque le roi viendra, madame, ne le recevrez-vous donc qu'ici? Oui, Je ne le recevrai qu'ici. Dans cette chambre, tellement si peu. Toujours les apparences. Et pendant que Madrid sera en fête, la joie des autres me fait peur. Les vivas et les musiques seront pour moi des rugissements de bêtes fauves. Je demeurerai immobile dans l'ombre, couché sur le souvenir de celui que j'aimais, comme une chienne sur le tombeau de son maître. Et je hurlerai quelquefois à la mort, en moi-même. Et maintenant le monde est en pleine lumière. Vous seul, vous êtes resté dans les ténèbres. Les ténèbres me plaisent. Avec la fin du jour, je suis mieux. En me dérobant tout objet, l'obscurité me permet de ne penser qu'à ma peine. Je suis morte de chagrin le jour que mon époux est mort. On ne meurt pas de chagrin en Castille. Peut-être qu'à Naples ou au Flandre, on meurt de chagrin, mais notre race est d'un autre métal, et on ne meurt pas de chagrin chez nous. Vous ne savez donc pas, vous, ce qu'est la souffrance? Mon grand âge et mon amour de Dieu m'ont mis au-delà de toute souffrance. Si la douleur faisait jaillir de la fumée comme la flamme, la terre vivrait dans une éternelle nuit. Et vous, cependant, vous lui échappez? Votre douleur, madame, ne peut pas être entière, puisque l'infante vit auprès de vous. Où est ma petite fille? Mon ange! Qu'on me donne ma petite fille! Je veux la voir tout de suite! Elle a les dents mauvaises comme son père, c'est pour cela que je l'aime. Elle montera sur moi, elle me frappera la gorge avec ses petits poings. Ma fille, je veux ma fille, je la veux à tout prix. Madame, l'infante est en train de déjeuner. Elle viendra aussitôt que sa seigneurie sera partie, à moins que... Oh, je m'excuse d'avoir osé pénétrer, mais sa majesté me semblait si... J'ai cru. Doña Inès se retire, confuse. Dans quelques instants, madame, vous retrouverez l'infante. Vous pourrez lui apprendre, entre autres choses, que lorsqu'on a des devoirs et lorsqu'on a la foi, on n'a que peu de raisons de souffrir. Ceci pour répondre à cet étonnement que vous faisiez paraître parce que vous pensiez que j'échappe à la douleur. Mais vous, madame, vous écartez les devoirs et vous écartez la foi. Les devoirs, vous voulez régner, vous ne voulez pas gouverner. Pensez que tandis que vous êtes confinés ici dans la solitude, l'Espagne est à vous, et les Flandres, et le royaume de Naples, et ce nouveau continent, les Indes, ce don glorieux de la Providence. Il faut mettre de l'ordre dans les Indes quand on n'est pas capable de mettre de l'ordre chez soi. Jadis, Gonzalve de Cordoue a sollicité de vous une audience. Christophe Colomb a écrit pour vous proposer ses services. En vain. Si alors, vous aviez reçu ses hommes supérieurs. À quoi bon? Je n'avais rien à leur dire. Il vous apportait sans doute de grandes idées. Les idées, cela n'est pas sérieux. Les choses dont il m'aurait parlé ne m'intéressent pas. Ce sont des nuages qui changent de forme et enfin se dissipent. On me demande pourquoi je vis entourée de chats malgré les peines qu'ils me causent. Parce que les chats ne s'occupent ni des idées, ni des empires. Cela fait un lien entre eux et moi. Mais je comprendrais, madame, que vous refusiez le monde afin de vous donner complètement à Dieu, mais au contraire, cette répugnance qu'a votre majesté pour tout acte de religion, et cela depuis si longtemps, depuis près de 20 années. Et vous n'aviez pas 17 ans que déjà vous n'aimiez pas la Sainte Inquisition, que vous condamniez ses prétendus abus. On vous a dit que je n'allais pas à la messe. On ne vous a pas dit que je vais quelquefois à ma chapelle quand il n'y a pas la messe? Quand il n'y a rien, comme dans ma vie. Dans votre chapelle, il n'y a jamais rien, mais il y a Dieu, toujours. Dieu est le rien. Madame, si j'avais l'honneur d'être le directeur de votre conscience, comme je l'ai été de celle de la reine catholique... Vous ne me dirigeriez pas, car je ne vais nulle part. D'ailleurs, je ne me confesse guère, vous devez le savoir par vos espions. Ah, mes espions. Vous croyez qu'on vous persécute? Tous ceux qui croient qu'on les persécute sont en effet persécutés. Je ne vais nulle part. Je suis immobile. Mais vous, où allez-vous? Comment pouvez-vous faire un acte? Je sais très bien où je vais. J'ai des actes parce que l'Église a besoin d'eux. L'Église n'a pas besoin de vos actes. Le moulin tournera toujours avec ou sans vous. Madame, avez-vous pensé à ce que vous dites? Mais savez-vous bien à qui vous parlez? Je parle au cardinal d'Espagne, archevêque de Tolède, primat des Espagnes, régent et chancelier de Castille, grand inquisiteur de Castille et de Léon, qui n'est que poussière comme son bouffon et comme nous tous. Madame, le frère Hernando de Talavera a refusé de s'agenouiller devant la reine Isabelle pour recevoir sa confession, comme c'était la coutume. Il lui a dit qu'il représentait Dieu, qu'il ne s'agenouille pas. Et moi, le frère François, je refuse d'entendre parler comme vous parlez de la Sainte Église et de moi-même. En moi aussi, c'est Dieu que vous offensez. Et moi, quand vous m'offensez, c'est moi. Je croyais que j'avais mis là ma petite eau, mais comme je ne sais plus ce que je fais... Majesté n'emploie pas les formes qui sont d'usage quand on parle à ce que je suis. Enfin, personne ne m'a jamais parlé comme votre Majesté me parle. Cela est naturel. Votre volonté est tendue contre Dieu, notre Seigneur. L'affront que Dieu m'a fait en m'enlevant mon mari. Supposez que ce soit Dieu qui me l'ait enlevé. Et qui donc serait ce sinon, lui? La mort, simplement. La volonté divine. Pourquoi riez-vous? Est-ce que vous ne croyez pas à la volonté divine? Oh, madame, dites au moins une fois devant moi, avant que je me retire, mon Dieu, que votre volonté soit faite et non la mienne. Mon Dieu, faites-moi la grâce que je fasse toute ma vie ma volonté et non la vôtre. Non, mon Dieu, je ne ferai jamais la vôtre. Eh bien, madame, ceci est blasphémé. Et vous n'allez pas à la messe. Et vous n'avez pas d'image pieuse sur vos murs. Et vous ne prenez pas les sacrements. Savez-vous qu'il y a de vos sujets qui sont brûlés pour moins que cela? Où sont mesdames d'honneur? Elles renferment l'hôtel et arrachent les images des murs. Je vais ordonner une enquête, et si vous, madame d'honneur, font ce que vous dites, je les ferai déférer au tribunal de l'Inquisition. Je crois tous les articles de la foi, monseigneur, et je suis prête à me confesser et à communier. D'ailleurs, j'ai donné deux fois cet ancien à la messe, monseigneur. Je suis une bonne chrétienne, et je n'ai pas blasphémé, non. Non, je n'ai pas blasphémé. Mais je suis si habituée à être seule, et aussi je dors si peu, que je ne suis plus bien maîtresse de tout ce que je dis. Et puis, quoi que je dise, cela est toujours tourné contre moi. Tout ce que je fais est mal. Madame, avec votre permission, je vous baise les mains et je me retire. Je me retire de votre royale présence, mais non pas du service du royaume, comme j'en eus l'envie naguère quand votre majesté m'interdit l'entrée de son palais. L'Église peut se passer de moi, peut-être. L'État, cela est moins sûr. Mais il faut bien que quelqu'un la porte, cette Espagne que vous vous refusez à porter. Et le roi n'y est pas prêt, pour un temps encore. J'ai toujours cru que l'entrée dans les ordres était une mort au monde. Vous avez conçu cela différemment. Dieu et César ensemble. Comment accordez-vous cela? La grâce de Dieu l'accorde. Et à votre âge? À votre âge, s'efforcer n'est plus une vertu, c'est une manie. Être habile à 82 ans. Ce n'est pas sur son lit de mort qu'on doit découvrir la vanité des choses. C'est à 25 ans, comme je l'ai fait. Mais l'œuvre que Dieu a accomplie à travers moi, en Espagne, le combat que j'ai mené... Le combat que vous avez mené? Mener un combat, lutter contre les hommes, c'est leur donner une existence qu'ils n'ont pas. Et puis quoi qu'on y gagne, cela ne dure qu'un instant infime de cette éternité dont les prêtres parlent mieux que personne. Alors, vous croyez que je vis loin de tout cela parce que je ne peux pas le comprendre? Je vis loin de tout cela parce que je le comprends trop bien. L'œuvre de ma mère est ruinée par Jeanne la Folle. D'autres ruineront la vôtre. L'Espagne est à la veille de tragédie. Tout s'engouffrera. Le royaume qui est l'envie du monde en sera la pitié. Quelle tragédie, que voulez-vous dire? Que savez-vous? Il y a toujours des tragédies. Oui, j'en ai prévenu quelques-unes. Elles renaîtront. Je serai emporté comme un fœtus sur le flot de ce qui s'approche. Mais qu'aurais-je dû faire? Rester dans une cellule, sur votre couchette, les bras en croix, comme je fais. Cela est la mort, si ce n'est pas se faire. C'est le royaume qui est la mort. C'est faire quelque chose qui est la mort. Madame, rester dans une cellule, oui. N'en ai-je pas assez rêvé? Ne connaissez-vous pas ma vie? Ne vous souvenez-vous pas de toutes mes fuites vers des cloîtres? Ce n'est pas ma mémoire qui est mauvaise. C'est mon indifférence qui est bonne. Vous vous êtes enfui vers des cloîtres parce que vous aimiez trop le pouvoir. Je me suis enfui vers des cloîtres parce que j'aimais trop Dieu. Vous me parlez de ma perpétuelle tentation. Vous me parlez de mon abîme. Cette tentation n'a été le plus souvent pour vous qu'une tentation. Ce que vous avez aimé par-dessus tout, c'est de gouverner. Sinon, vous seriez resté tranquille. Vous, vous composez. Moi, je ne compose pas. Vous, vous vivez dans la comédie. Moi, je n'y vis pas. Je vis dans la comédie. Vous vivez parmi les superbes. Vous manœuvrez parmi eux. Le superbe n'est pas seul à être impur. Sont impurs tous ceux qui approchent de lui par goût. Je n'aime que les uns. Mais vous vivez parmi les superbes et parmi les canailles. Vous passez votre vie comme les païens et les turcs. On ne fréquente pas des gens méprisables si on les méprise autant qu'on le doit. On surmonte son mépris quand il y a derrière eux quelque chose à atteindre. Qui vous a obligé? Voilà une mouche qui est trop confiante. Beaucoup trop confiante. Qui a l'air de vouloir me narguer. Moi, la reine! Jeanne tue la mouche, son visage s'irradie. Avec délice, elle l'écrase du pied. Je vous disais que nul ne vous a obligé à être le confesseur de ma mère. Quand la reine catholique vous a choisi pour confesseur, vous n'aviez qu'à refuser. Refuser à la reine? Il vous suffisait de dire que vous vouliez n'être qu'à Dieu. Même la reine aurait eu peur de vous retirer à Dieu. Il vous suffisait d'être ferme, vous l'êtes quand vous le voulez. Mais là, vous n'avez pas voulu l'être. Et cependant, la reine n'attendait de vous qu'une couverture pour sa politique. Lorsqu'on médite quelques bons coups, on fait appel à des hommes de piété. Je suis si peu folle que j'ai découvert cela. On a encore une parole, madame, qui montre comme vous êtes disposée à l'égard de notre sainte religion. Je suis très bien avec la religion. Et c'est à cause de cela même que je sais que nombre d'hommes qui, s'ils étaient restés hommes privés, auraient sauvé leur âme, vont en enfer parce qu'ils ont été hommes d'État. Mais je serais prêt à courir le risque d'aller en enfer si à ce prix je faisais du bien à l'État. Mais les desseins de Dieu et les desseins du gouvernement de Castille ont toujours été identiques. Au surplus, vous ignorez sans doute que j'ai une méthode de raison mentale qui me permet d'annihiler devant Dieu mes actions politiques au fur et à mesure que je les accomplis. Oui. Vous êtes pure, madame. Vous êtes pure. Il est facile d'être pur quand on n'agit pas et qu'on ne voit personne. Agir, toujours agir. La maladie des actes, la bouffonnerie des actes. On laisse les actes à ceux qui ne sont capables de rien d'autre. Et vous aussi, cependant, vous faites quelques actes comme tout le monde. Je ne fais pas d'actes. Je fais les gestes d'actes. Et les vôtres, en apparence toujours sains ou raisonnables et qui en réalité ne sont faits que dans la passion. Si nous ne faisions pas les choses dans la passion, nous ne ferions rien. C'est justement ce qu'il faudrait. Il y a une exaltation qui vient de Dieu, mais il y a une exaltation qui vient de la terre. Alors dois-je me reprocher la terre, quand depuis 30 ans je n'ai cessé de faire servir la terre à Dieu? J'ai fait servir Dieu à la terre et j'ai fait servir la terre à Dieu. J'ai été de Dieu et j'ai été de la terre. D'un côté abrupt vers Dieu, de l'autre à l'aise avec la terre. Oui, comme ma ville de Tolède. D'un côté en nid d'aigle au-dessus du fleuve, de l'autre de plein pied avec la plaine. J'ai été un chrétien et j'ai été un homme. J'ai fait tout ce que je pouvais faire. Vous sursautez si je dis que Dieu est le rien. Le rien n'est pas Dieu, mais il en est l'approche. Il en est le commencement. Quand mon roi Philippe était au Flandre et moi ici, j'allais à Medina del Campo pour être un peu plus près de la mer où il était. Je respirais mon mari d'un côté à l'autre de la mer. Ainsi je respire Dieu quand je suis dans le rien. Vous l'avez dit vous-même, il y a deux mondes, le monde de la passion et le monde du rien, c'est tout. Aujourd'hui, je suis du monde du rien. Je ne veux rien. Je n'aime rien. Je ne résiste à rien. Est-ce que vous ne voyez pas que les chats me dévorent vivante sans que je me défende? Plus rien pour moi ne se passera sur terre. Et c'est ce rien qui me rend bonne chrétienne, quoi qu'on dise, et qui me permettra de mourir satisfaite devant mon âme et en ordre devant Dieu, même avec tout mon poids de péchés et de douleurs. Chaque acte que je ne fais pas est compté sur un livre par les anges. Le moine que je suis entend bien ce langage. Croyez que je l'entends très singulièrement et très profondément. Mais... Il n'y avait pas de nuages, maintenant il y en a. Ils vont changer d'aspect, puis se dissiper et se reconstruire d'autres façons. Tout cela est sans importance. Des nuages noirs étalés sur Madrid comme de gros crapauds. Et au-dessous, ces espèces d'êtres qui font des choses, qui vont vers des choses. Et rien de sérieux dans tout cela que les chevaux qu'on mène boire au fleuve. Moi aussi, j'aurais pu faire des choses. Et même de celles que vous appelez de grandes choses. Mais il aurait fallu tenir compte de cela. J'ai préféré être ce que je suis. Les enfants qui jouent dans la rue disent entre eux, vous voulez jouer avec nous? Moi, je dis, je ne joue pas avec vous. Quel est cet univers auquel on voudrait que je prenne part? Quand je le regarde, mes genoux se fondent. Quelle est cette voix qui forme dans ma bouche des mots qui ne me concernent pas? Quel est cet homme qui me fait face et qui veut me persuader qu'il existe? Comment pouvez-vous croire à tout ce qui vous entoure? Vous, qui n'êtes plus de ce qui vous entoure, quand moi, je n'y crois pas! Qui suis, paraît-il, en vie? Et vous voulez manier cela, jouer avec cela, dépendre de cela? Et vous êtes un intelligent et un chrétien! À ces deux titres, vous devriez faire le mort comme je fais la mort! Majesté est-elle souffrante de telle que j'appelle ces dames? Je ne suis pas souffrante. Je suis bien. Je suis enfin bien. Non, je ne suis pas bien. Voici le mal qui monte. C'est parce que j'étais bien. Mes yeux sont pleins de plomb fondu. Ma bouche est pleine de terre. Mes nerfs se tordent comme des reptiles. Ah! Une chauve-souris contre mes tempes! Ma grand-mère a été à demi-folle pendant 42 ans. Le roi Henri, mon oncle, était à demi-fou. Mon père est mort de tristesse. Eux aussi, ils se je boive. Que je boive ma petite eau. Vous en voulez ? Alors allez-vous-en. Laissez-moi sortir de ce songe que vous êtes et qu'est tout ce que vous représentez. Il n'y a que moi qui ne soit pas un songe pour moi. Mais auparavant, dansons un peu. Vous ne voudriez pas que je me mette à danser seulement quand vous serez parti. De la joie de vous voir disparu. La la la la la la la la la la la la la la la la la la messieurs. La la la la messieurs. Je danse souvent avec le perroquet que roi qui m'a rapporté des Indes. Il est tout rouge comme vous, cardinal, mais il ne sait pas dire des aves. Mesdames, monseigneur, exorcisez-la. Qu'on fasse entrer de mien Inès. Jetez sur elle un peu d'eau bénite. Dansons. Dansons en nous accompagnant du rire des larmes. Il y a le rien et il y a l'être. Ils sont faits pour danser ensemble. Le oui et le non sont pour moi comme deux mouches quand elles dansent accouplées. On ne distingue pas l'une de l'autre. On causerait bien volontiers avec lui plus longuement, mais on ne peut pas. Il est fou. Cisneros a regagné son palais. Il étudie les affaires en compagnie de son secrétaire Varacaldo, un grave magistrat qu'il a surpris lisant les aventures du géant Tintinabule. Cisneros a congédié le secrétaire. Il est maintenant seul avec Cardona. Je suppose que vous aussi vous a donné quelquefois au géant Tintinabule. Mon Dieu, oui, à l'occasion. J'aime mieux voir quelqu'un englouti dans Tintinabule qu'englouti dans l'obsession politique. L'obsession politique ? Vous manquez d'à propos. J'ai ces papiers sur ma table depuis hier matin. Au moment d'étudier les questions, j'ai été paralysé comme si j'avais eu un coup de sang à la tête. Je me disais, pourquoi faire un geste, faire un acte, soudain cela me paraissait tellement insensé, paralysé par le sentiment du... Par le sentiment de quoi ? Par le sentiment du ridicule. Vous vous plaisantez. J'ai remis d'heure en heure. Est-ce que vous croyez que Varacaldo me prend en pitié quand j'ai l'air de vouloir quelque chose ? De vouloir quelque oui. chose ? De désirer réussir quelque chose dans les affaires de l'État ? Je pense surtout qu'il serait stupéfait s'il croyait comprendre que vous ne voulez rien. J'ai vu cela il y a un instant. Parce qu'il n'est pas intelligent. Je souhaiterais que tout homme intelligent comprît que je ne veux rien. Si un homme intelligent croyait que je veux quelque chose, j'aurais honte. Vous avez mal ? Mais vous savez bien que j'ai la fièvre tous les soirs, quand la nuit tombe. À la même heure où l'esprit de la reine Jeanne revient au calme. Et comment n'a-t-on pas la fièvre toute sa vie ? mais je serai morte, que je ressusciterai pour recevoir le roi, que j'espère depuis si longtemps et le mettre au courant de tout. Oh, cela, il le faut. Ensuite, le roi a grand besoin d'être mis au courant le plus tôt possible. Je vous le répète, vous ne sauriez croire à quel point il a l'air de quelqu'un qui a besoin d'avis. Et aussi de quelqu'un qui s'étant embarqué une première fois pour l'Espagne et étant à plusieurs heures de la côte des Flandres, a fait revenir la flotte parce qu'il avait le mal de mer. Vous m'avez dit qu'il paraît moins que ses 17 ans. Petit, pas un poil de barbe, la bouche toujours entrouverte. Le teint pâle, les yeux bleus. Il rougit. Un collégien. Il me trouvera auprès de lui le temps qu'il voudra. Ou du moins, le temps qui sera nécessaire. Malgré ce qu'il m'en coûte, car certaines paroles que la reine m'a dites hier m'ont bouleversé. Le spectacle de la folie a de quoi bouleverser. Ce qui me bouleverse est ailleurs. C'est parce qu'elle m'a fait entendre la voix de la vérité sortant de la bouche de la folie. Ne dit-on pas que chez les Arabes, les fous sont tenus pour les inspirer, Elle voit l'évidence et c'est pourquoi elle est folle. Ouais, plaisant, la reine vous a retourné. Quoi qu'on pense de ce que m'a dit la reine, cela n'est pas frivole. La reine est très au-delà du médiocre et du petit. Elle a percé brutalement de l'autre côté. Dieu l'a rendue incapable pour montrer le peu de fond qu'on peut faire sur la gloire humaine. C'est là son rôle providentiel, ici-bas. Mais d'autres qu'elle ont eu ce rôle. Mais qui dit qu'elle n'a pas un autre rôle où elle serait unique. Au lieu de renoncer au monde pour pouvoir le dominer, comme font souvent nos grands ordres religieux, elle domine le monde et elle renonce à lui. Nous qui sommes habitués à peser sans cesse sur tout, mesurez-vous ce que c'est que posséder une partie immense de l'univers et ne peser jamais sur rien. La reine m'a dit, c'est le royaume qui est la mort. Moi, le conducteur de ce royaume, j'ai entendu cela et j'en suis transpercé. Mais quand elle se désintéresse du royaume, quand elle l'entraînerait derrière elle si nous n'étions pas là, dans son mépris sans borne de la réalité qui nous dit qu'elle n'est pas alors le représentant le plus qualifié de son peuple et qu'elle n'apporte pas alors au monde l'essentiel de ce que peut lui apporter l'Espagne. Vous avez tout fait pour maintenir et elle fait tout pour ruiner. Elle veut que tout aille mal, elle veut que tout meure. Et c'est ainsi que vous parlez d'elle. Vous ne pouvez pas savoir ce que c'est que son mépris. Elle annule l'univers avec son mépris. Comme elle m'a fait sentir qu'elle me jugeait vulgaire de vouloir intervenir dans les événements, comme elle cherchait à m'humilier, la reine a rouvert en moi une plaie jamais fermée tout à fait, la plaie d'une tentation inassouvie. Elle m'a fait prier cette retraite que plusieurs fois j'ai prise et plusieurs fois tenté de prendre. Toute ma vie, j'ai lutté pour ma solitude. Il y a tant d'hommes en vous. Le franciscain, le cardinal, le lettré, l'homme d'État, le capitaine. Quand vous avez conquis Oran, n'avez-vous pas regretté ce jour-là de n'avoir pas choisi la voie des armes? Je n'ai jamais regretté que la submersion infinie. La reine m'a mis devant ma part la plus profonde. Celle que je n'ose pas regarder parce qu'elle me fait trop envie. Je voudrais me prosterner, poser mon front contre la terre, adorer Dieu. Ne plus faire que cela. Sentir cette masse de contemplation qui se pousse pour être et ne peut pas être à cause des affaires dont je suis dévoré, à cause de ce genre humain qui me dévore morceau par morceau du matin au soir. Toujours je n'ai pas le temps, toujours remettre à plus tard ces heures de face à face rayonnant qui enfin me soulèveront au-dessus de moi-même après le gravat de la journée. Et mon oraison même est empoisonnée par la terre, tandis que je contemple Dieu, je lui demande encore, oh j'ai honte, comment je dois m'y prendre pour berner tel ou tel homme, à moins que ce ne soit pour le corrompre. La reine ne peut vivre qu'en attendant le moment de boire de l'eau. Moi, il y a une eau qui sort de mon Dieu et qui m'enivre, mais aussitôt que je vais atteindre cette eau, une main me ravit le visage et le replonge dans la boue. Grâce à cette malheureuse, vous apprenez enfin que vous n'aimez pas gouverner. Et en effet, vous avez menacé plusieurs fois le roi Charles de vous retirer dans votre diocèse. Seulement, c'était au cas où il ne vous accorderait pas des pouvoirs plus étendus. Auprès d'elle, on perd toute notion de temps et de lieu. Vous nous avez vus, n'est-ce pas ? Vous avez bien vu que nous étions deux mêmes spectres. Mais les spectres ont quelque chose de bon, c'est qu'ils ne sont pas de ce monde-ci. Là est la chambre avec mon lit de parade. Là est la pierre nue sur laquelle je dors, tout habillé. Pas un de mes serviteurs n'est jamais entré dans ce réduit. Voici la bulle. Et le silice sous la bulle. Alors, je vous montre cela. J'ai tort, mais j'ai besoin de me justifier. Pas aux yeux du monde, je pense. Il vous reproche déjà d'en faire trop. Il aurait horreur de vos singularités. Non, me justifier aux yeux de la reine. J'ai été chez elle pour lui demander de sacrifier aux apparences. Mais moi, il a fallu une bulle du pape pour me forcer à la souffrance constante de donner aux apparences. Elle est la femme la plus riche de la terre, et moi, ma dignité est la première et la plus forte de l'Église après le Saint-Siège. Plus riche et plus puissant, moi seul, que ne l'est ensemble toute la noblesse d'Espagne. Et elle vit dans une chambre misérable, et je me cache pour vivre comme un moine. Il lui arrive de dormir à même le sol, et je dors à même le sol. Elle raccommode ses robes, mais je ressemelle mes sandales. Elle hait tout ce qui est plaisir, et je hais tout ce qui est plaisir. Elle n'est curieuse de rien, et moi, qui dois être informé de tout, je ne suis curieux de rien. Le sceau qu'elle s'est choisi est un pan royal sur un globe terrestre, avec au-dessous le mot « vanitas ». Un religieux s'en choisirait-il un autre ? Ah, quel but ce serait pour une vie de faire que toute la partie sainte de cette femme soit consacrée et serve. La partie sainte ? Oui, l'indifférence aux choses de ce monde est toujours une chose sainte. Et même quand Dieu en est absent, une chose essentiellement divine. Elle et moi, mais nous nions ce que nous sommes censés être. Elle et moi, nous appartenons à la même race. Ceux qui ont regardé ce qu'elle appelle le rien et ce que j'appelle Dieu ont le même regard. C'est hier seulement que j'ai compris cela. Elle a prononcé des paroles horribles et je l'ai presque menacé de la faire surveiller par le Saint-Office. Et il y a eu aussi un moment où, pour un peu, je lui aurais demandé sa bénédiction. Il est intéressant, monseigneur mon oncle, de vous voir un peu désemparé. Je ne veux pas ce que j'aime et je veux ce que je n'aime pas. La passion de la retraite, c'est jeté sur moi comme un accès de fièvre. Mais la retraite, hélas, n'est pas encore pour demain. Le jour que 100 000 Arabes m'assiégeaient dans mon palais de Grenade, on m'a offert un moyen de fuir, j'ai reculé. Je ne m'enfuirai pas davantage quand s'avance cet enfant roi, tenant dans sa gauche le royaume de la terre. Il a 17 ans, à peine. J'en ai 82. Que de choses j'ai à lui apprendre. Et de qui les serait-il, hein? Dites un seul nom, si ce n'est de moi. Je l'ai créé, je suis son père. Je lui dois ce pourquoi j'ai vécu et qui s'étale derrière moi, comme une traîne. Ce que te voir, dont la reine m'a dit qu'il allait être engouffré. Oh Dieu, de quelle voix d'un autre monde. La reine vous a dit cela et vous l'en admirez. Moi aussi, je vous l'ai dit, avant-hier. Et de cet instant, vous vous êtes tourné contre moi. Pourquoi cette différence? Parce que c'est elle. Oui, parce que c'est moi. Vous écoutez la reine, cette folle, de qui la folie a sans cesse travaillé contre vous. Vous idolâtrez ce gamin, le roi, entouré de tout ce qui nous veut du mal. Un roi né dans des latrines. Oh, que dites-vous? Comment osez-vous? Votre loyalisme insensé. Mais ceux qui vous aiment et vous servent, vous ne les voyez pas. Ouvrez les yeux. Voyez aussi ceux qui vous aiment. Je ne vois rien. Eh bien, monseigneur mon oncle, j'ai à vous dire maintenant que le roi Charles... Et ensuite, continuez. Le roi m'a dit... Le roi vous a-t-il dit autre chose que ce que vous m'avez rapporté? Je suis très vieux, Louis. Quoi que j'en aie et quoi que j'en dise, je vis dans la douleur. La cause de cette douleur, c'est que tout ce que j'ai fait m'échappe. Le sol s'entr'ouvre sous moi, la reine sombre dans la folie et je sombre dans la mort. L'avenir dira que je suis mort avec une sérénité chrétienne. Cela serait vrai s'il n'y avait pas mon pays. Pourquoi ai-je une autre patrie que la patrie céleste? Pourquoi ai-je aimé l'Espagne? Et la mort, vous ne l'aimez pas? Je n'aime pas ce que je laisse. Malheur à ce qu'on n'a pas fait de son vivant. Le drame de la mort, je me demande si c'est la mort ou si ce sont les héritiers. Mon héritier, c'est Charles. Il faut bien que je le rende le moins désastreux possible. Le moins désastreux? Il n'est pas moi. J'ai quitté un homme plein de vaillance et je retrouve un homme atteint. Voilà l'œuvre de la folle! Un Autrichien gouvernera l'Espagne. Il la gouvernera légalement. Des Flamands gouverneront l'Espagne et la gouverneront légalement. Vous ne savez pas ce que c'est qu'être gouverné par l'ennemi? Alors non pas l'ennemi ouvert qui vous piétine à la face de Dieu sous sa botte. Non, mais l'étranger établi là... Légalement. J'y ai mis la main. Tout le reste était pire. On parle souvent de charité. Qui a de la charité pour la vieillesse? Qui a de la charité pour moi? Qui me sait gré de... l'effort inouï que je fais pour vivre, pour gouverner encore, pour essayer que tout tienne encore autour de moi quand moi je ne tiens plus. Qui me sait gré de m'intéresser au lendemain quand pour moi il n'y a pas de lendemain. Un homme comme vous ne devrait pas avoir besoin qu'on lui rende justice. Oui, on vérifie le vin que je bois et jusqu'à l'eau dont on lave ses dalles. Mais deux fois, on vient de tenter de m'empoisonner. Je dors et dans mes rêves, ils me poursuivent encore. Je connaissais votre secret, vous me l'avez avoué. Il était que vous aimez d'être haï. Mais maintenant, vous ne l'aimez plus. Que se passe-t-il? Oui, que se passe-t-il? C'est moi qui vous le demande. De quoi suis-je coupable? De tout. Comment? De tout ce que vous avez fait. Je n'ai fait que le bien. Ah, toujours en abusant, en écrasant, en brisant. Ce que vous l'avez cherché. Les hommes sont le mal. Comment ferait-on le bien sans les contraindre? Et puis, d'autant ils ont souffert par moi, d'autant je les ai rapprochés de Dieu. Et pourquoi vous occupez des hommes? Pourquoi voulez-vous gouverner encore? Pourquoi vous inquiétez de ce que vous avez fait quand vous venez de dire que vous ne souhaitiez que la submersion infinie? Une œuvre de 25 années. J'ai fait en 25 ans ce que d'autres ne font pas en 40. Vous pensiez comme un saint pour qui Dieu seul existe, et vous pensez ensuite comme un marchand qui meurt. La reine m'a mis dans un trouble dont vous cherchez à profiter. Vous avez profité avant-hier du trouble où me mettait la mort de mon enfant. Vous êtes devant une nécessité à laquelle vous ne pouvez rien. Alors aimez-la! Collaborez-y! Oh, comme cela serait beau que votre œuvre s'écroulât en même temps que vous! Avant de mourir, vous devriez déchirer votre œuvre, la déchirer, la ravager de vos propres mains, par des actes, par votre testament! Comme les enfants, quand la marée arrive, détruisent le château de sable qu'ils ont passé la journée entière à construire. Organisez vous-même le grand naufrage de votre galère. Ainsi, en mourant, vous signifieriez solennellement au monde que tout ce que vous avez fait est une dérision. Voilà qui aurait un grand sens, qui serait digne d'un homme aussi exceptionnel que vous. Et voilà aussi, Monseigneur, qui serait digne de la reine. Ce mot seul, je pense, va suffire à vous convaincre. Vous ne répondez rien. Vous n'êtes pas tenté? Allons, je vois que vous tenez beaucoup à vos œuvres. Je ne vous comprends pas, non. Je ne vous comprends pas. Vous êtes du monde des vivants et je suis du monde des morts. Il n'y a pas de langage commun entre nous. Une vérité pour les vivants, une vérité pour les morts. Je vais vous dire autre chose. En détruisant à votre mort votre œuvre politique, vous aurez enfin retrouvé Dieu. Songez-y bien. Je vous dis ce que vous aurez dit la reine. La détruire. Comment? Il est toujours facile de détruire. Vous voyez, vous êtes tenté. Il y a en vous quelque chose de diabolique. Allez, je ne me sens pas bien. Laissez-moi. Non, restez. Une présence m'écorche, mais la solitude me fait peur. C'est une crise comme celle que j'ai eue il y a 3 semaines. Venez vous étendre. Oh, ne voulons pas entendu. Assis. Ah! Oh! Oh! C'est horrible! Esprit s'égare. Est-ce bien vous, Louis, qui êtes là, ou bien n'étiez-vous là que tantôt? Je suis là. Je fais appeler Campos. Ah, oh non! Laissez-moi appeler le médecin, vous ne pouvez pas rester ainsi. Attends. Je vais extrêmement bien. Je vais tout à fait bien. Je classe ces papiers avec une lucidité entière. Tout à fait bien. La conquête des Indes du Nord serait pour moi un jeu d'enfant. Quel chiffre donne 7 fois 9 ? Asseyez-vous ! Vous me faites peur ! Je vous ai demandé quelle somme fait cette panneau. Je fais appeler Campos que vous le vouliez ou non. Campos, c'est lui qui a tenté de m'empêcher. Mais non. Oh, qu'il vienne alors. Vite. Fais vite appeler le docteur Campos. Et le père Altamira pour qu'il le refait. Vite. Voici la fin des nuages. On l'appelle Campos. Le cardinal est-il souffrant ? Pire que souffrant. Au plus mal, son pouls est presque insensible. Il est livide. Je crois qu'il passe. C'est le moment. C'est enfin le moment. Et nous allons voir cela de nos yeux. On dirait une levrette enveloppée dans une couverture. Une levrette qui n'est guère en état de montrer les dents. Voilà donc celui qui faisait peur à tant de gens, celui qui empêchait tant de gens de dormir. L'homme qui cherche à faire peur est plus vil qu'une bête sauvage. Maintenant, c'est nous qui ferons peur. Il faut avouer qu'il expire avec un parfait naturel. Je vous en prie, allez chercher de l'eau que je lui humecte à l'étang. Vous me reconnaissez ? Je suis Antonio de Rojas, archevêque de Grenade. Vous me donniez des ordres il y a une demi-heure. Le temps n'est plus de me donner des ordres à présent. Respectez un homme qui va mourir, monseigneur. Je respecte la mort en lui. Non, lui. Mon Dieu, faites qu'il meure. Retirez-vous, monsieur le neveu. Vous aussi, votre règne est terminé. Il y a eu le temps de faire. Maintenant est venu le temps de défaire. Et de faire autre chose que ce que vous avez fait, cardinal. Insultez-le bien, monseigneur. Dans l'état où il est, nos insultes peuvent le finir. Le docteur Campos arrive. Le père ne trouve pas dans le palais. Monseigneur, je vous en prie. Donnez-lui vite l'absolution. Dieu l'absoudra, s'il lui plaît, sans qu'on ait besoin de moi. Mon Dieu, faites qu'il meure. Pouvons-nous faire quelque chose pour vous ? Voulez-vous quelque chose ? Je voudrais ne plus voir de visages humains. Il parle. Il entend. Éloignons-nous. Monseigneur, pour ma nomination au secrétariat des ordres militaires que vous m'aviez promise, si vous pouviez me la confirmer devant témoin, vous savez que tout mon avenir en dépend. Monseigneur, vous me semblez très faible. Au cas où l'heure de Dieu serait proche, vous devriez réciter les prières des agonisants. Non. Non ! Tenez ce cierge béni dans votre main. Non ! Non ! Témoigneront que vous êtes mort en refusant d'invoquer le Seigneur. Il ouvre les yeux. Vous avez dit que vous ne vouliez plus voir de visages humains. Nous témoignerons que vous êtes mort en rejetant la communauté de vos frères. Monseigneur, pour ma nomination, vous savez que je suis le seul des secrétaires à connaître le latin comme je me débrouille dans le chiffre. Il n'y a que moi qui m'y retrouve. Laissez-le, monsieur le licencié. Vous voulez bien qu'il se remet. Ne l'étourdissez pas. Le cardinal m'a promis aussi le secrétariat de la Sainte Inquisition. Il y en a ici qui ont servi loyalement le cardinal. Mais vous... Mais moi ? Vous avez osé écrire que le serviteur de Dieu avait bien su se servir lui-même. Je proteste que ce seigneur, il me fait confiance plus que personne au monde. Mais je ne mourrai pas avant d'avoir rencontré le roi. C'était pas si grave. Je vivrai pour eux. pour rencontrer le roi. Qu'y a-t-il ? Rien. Quand je serai pour mourir, je vous le ferai savoir. Je rencontrerai le roi. Je lui dirai ce que j'ai à lui dire, puis ensuite je mourrai, s'il le faut. Je sais pourquoi j'ai eu cette défaillance. Parce que je n'ai pas pris la Sainte Communion ce matin. Mais c'est Dieu, lui aussi, qui vous ressuscite. Je les entendais m'outrager. J'ai fait durer cela un peu. Ce n'est pas ce que vous disiez il y a un moment. Qu'est-ce que je disais ? Que vous ne vouliez plus voir de visages humains. Encore une parole de la reine. Je n'aime pas les visages. J'avais horreur de leurs visages, mais dans un rêve, je les entendais m'outrager. J'aimais cela. C'est cela qui m'a rendu la vie. Faites préparer un ordre d'arrêt contre l'archevêque de Grenade. Il sera emprisonné à la cour de Calahorra. Quel motif donnerons-nous ? Aucun. Quant aux deux autres, ils oublient que leurs bons amis, les rebelles à Villafrades, peuvent être écrasés en une heure. Eh bien, envoyez un courrier à Sarmiento, qu'il avance sur Villafrades, bombarde le bourg, qu'il n'y ait plus de Villafrades, qu'on sème du sel sur les décombres, que tout soit terminé demain soir. Cela est terrible! Dans la situation où je suis, il ne faut pas faire les choses à moitié, il faut les faire terriblement. Quand elles sont faites terriblement, alors elles sont faites. Vous voulez vous assurer que vous êtes vivant? Je peux vous affirmer que quiconque ne m'obéira pas en répondra devant moi et devant Dieu. L'inimitié personnelle qu'a contre vous l'archevêque de Grenade. Les ennemis personnels sont par la même ceux de l'État. Et vous ne devriez pas agir ainsi contre ceux de Villafrades. Tous les torts ne sont pas de leur côté. Avec ce qu'il y a en bas, j'aurai toujours raison. Ce qu'il y a. Ah oui, vos canons. Les canons dans la cour de votre palais, comme s'il était une place forte. Et leur fumée qui infeste. J'aime mieux l'odeur de mes canons que les parfums de l'Arabie. Pourtant, nous ne sommes pas en guerre, que je sache. On est toujours en guerre pour le roi et pour la foi. Raser Villafrades est peut-être un acte douteux, mais c'est un acte qui sert l'État. La question est donc réglée. Vous croyez que j'allais mourir? Je vivrai pour recevoir le roi. Je vivrai aussi pour voir la ruine de ce que je me surprendrais à haïr, si l'on pouvait haïr avec Dieu pour l'amour de Dieu. Une de mes forces est de n'avoir pardonné jamais. Et puis quoi, pardonner, pardonner, c'est la peur qui pardonne. Le moment n'est pas venu que je sois dépecé par tous. Ce moment viendra, mais ils ont encore à attendre. Je mourrai de façon que ma mort les gêne bien. Vous verrez cela. On meurt comme on peut. On meurt comme on est. Et on meurt comme on le veut. Faites revenir le Valacaldo. J'ai des lettres à dicter. Tout à l'heure, n'est-ce pas, j'ai crié, c'est horrible. Oui. Vous ne direz à personne que j'ai crié cela. Je sais bien que vous allez le dire. Et regardez-vous. Il me semblait que des cavaliers au galop s'étaient arrêtés devant le palais. Vous le rêvez, mais l'oreille encore fine. Quand j'ai cru que vous alliez mourir... Excusez-moi, mon cœur m'étouffe. Je vous aime, mon père. Je vous révère. Ce sera ma part ici-bas et dans les cieux qu'avoir approché un homme tel que vous. Ce ton me déplaît. Mais vous m'avez toujours humilié. J'ai humilié, je ne me souviens pas. Pourquoi m'avoir méconnu? Pourquoi m'avoir dédaigné? Qui vous défendra après votre mort, sinon moi? Je ne vous dédaigne pas du tout, mon cher Louis. Ne m'appelez pas, mon cher Louis! Cela montre que vous me dédaignez. Vous gardez la tête? Si j'avais pu parler avec vous une seule fois d'une façon humaine, un mot, un seul mot à de certaines heures suffit. Mais vous ne l'avez jamais dit! Vous étiez ailleurs. Oui. J'étais ailleurs. Le courrier du roi! Du roi? Voyez! Les oriflammes avec les tours et les lions. Je ne distingue pas. Le seigneur comte de Lemos fait dire à votre seigneurie qu'il vient de se briser une jambe dans une chute de cheval et qu'il ne pourra aller après-demain à Marrados. Il va écrire à votre seigneurie. Qui vous a fait croire que c'était un courrier du roi? Le blason de Lemos a les mêmes couleurs que les armes de Castille. Le roi vous a parlé hier. Pourquoi enverrait-il un courrier aujourd'hui? Il peut s'être passé. Non. Rien ne se passe plus là où je voudrais être. Mais ici, il se passe encore des choses. Qu'est-ce qui se passe? Alors, j'exige de tout savoir. Est-ce qu'il avait annoncé une lettre? Il y a des lettres qu'on ne me remet pas? Qu'importe ce qui se passe, et pourquoi elle vous inquiète, puisque les hommes ne peuvent pas vous atteindre. Vous me l'avez assez dit, puisqu'en rien, vous n'êtes comme les autres. Encore des chevaux qui arrivent. Ah! Des hommes du roi! Bon, cette fois, on ne peut s'y tromper, il y a les quatre alférez. Pourquoi me regardez-vous ainsi? Hein? Ai-je la mort inscrite sur le visage? Mais cessez donc de me regarder ainsi! Comment avez-vous pressenti qu'il viendrait un envoyé du roi? Vous savez quelque chose et vous ne m'avez pas parlé. Vous m'avez trahi, vous aussi. Bien sûr. Si cela est bien sûr. Pourquoi m'avez-vous envoyé? C'est encore vous de qui je me défiais le moins. Vous défiez de moi, vous en faites l'aveu. Et cependant, vous m'avez envoyé. La passion a été la plus forte. Quelle passion? Vous vouliez me mater. Les enfants qu'on jette à l'eau pour qu'ils nagent. Et vous vouliez m'exposer. La reine l'a bien dit, des actes en apparence raisonnables, mais qu'en réalité vous ne faites que dans la passion. Et le duc de l'Infantado, vous l'avez dit avant elle, par la bouche de son chapelain stupide. Bah, que vous a dit le roi? Alors, que lui avez-vous dit? Vous ne lui avez rien dit de grave contre moi, non? Mais vous lui avez dit ce qu'il faut dire en ce moment. Vous m'avez blâmé, parce que en ce moment, on doit me blâmer. Vous m'avez trahi pour faire comme les autres. Ce qui est la façon la plus vile de trahir, celle qu'on écrase du pied comme un crachat. Alors répondez, vous, le faillant capitaine, ayez au moins le courage de me répondre. Oui, c'est cela que j'ai fait. Oui, c'est cela que j'ai fait. Tournerez à votre corps comme vous le souhaitez. Et plus jamais vous ne reparaîtrez devant moi. Vous savez que c'est sans peine que je me débarrasse des gens. Je pouvais ne rien vous dire. C'est par respect pour vous que je vous l'ai dit. J'ai pour vous un respect immense. Si vous étiez un peu généreux. J'ai été généreux trop de fois, en vain. Cela s'est usé. Vous débarrassez les gens, cela aussi vous donne une preuve que vous existez. Venez, reprenez ce livre dont vous m'aviez fait cadeau. Alors, prenez-le vous-même, alors. Moi, je ne peux pas. Oh, qu'on fasse dompter ces chiens. Nous sommes ici avec Dieu et le roi, pas avec les chiens. Monseigneur, le baron Van Arpen est là, avec un message du roi. Don Diego de la Motta l'accompagne. Ce doit être un message très important pour que le roi ait envoyé un de ses conseillers. Van Arpen est un des rares parmi ces gens-là qui soient bien. Don Diego est un ami dans le camp d'en face. L'Angélus. Prions pour que la lettre de notre roi soit une lettre bonne. Angélus Dominum, ciel. Quelques jours, ce sont toutes les cloches de Madrid qui sonneront pour l'entrée de notre roi. Faites entrer le baron Van Arpen. Monseigneur, je baise vos mains et je me dis votre fils respectueux et soumis. Monsieur le capitaine Cardona a dû vous annoncer ma venue. J'apporte à votre révérendissime seigneurie une lettre de sa majesté dictée hier, puisque Dieu a voulu que je fusse la première personne de la cour à me trouver en votre sainte présence. J'assure votre révérendissime seigneurie que rien au monde ne nous est plus cher à tous que l'amour que les peuples d'Espagne et vous-même portez à sa majesté. Cet amour est rendu. Entre ceux qui arrivent et vous, il n'y a pas eu d'ombre, il n'y en aura pas. L'unité du royaume est dorénavant plus forte que jamais. Je demande à votre seigneurie sa bénédiction. Je vous la donne. Et je vous témoigne que vos paroles me sont agréables. Don Diego, je ne vous ai pas souhaité la bienvenue. Est-ce qu'on ne va pas éloigner ces chiens? Le cardinal saisit le pli que lui tend Van Arpen. Il l'appuie contre son cœur. Il commence de le lire, marque une vive émotion. Il le tend à Cardona, mais aussitôt il se reprend et le tend à Van Arpen. Je n'ai lu que la phrase me commandant de quitter Madrid et de me retirer dans mon diocèse. Aussitôt que j'aurai mis le roi au courant des affaires, voulez-vous me lire ce qui suit? Pour y prendre un repos si nécessaire à votre vieillesse. Ensuite, Dieu seul pourrait récompenser dignement les services que vous avez rendus à l'Espagne. Ensuite, je ne cesserai d'avoir pour votre seigneurie le respect et l'affection d'un fils. Oh mon Dieu, mais qu'ai-je fait? Pourquoi cette punition. Pauvre roi. Pauvre roi. Lui aussi, il aura ses traîtres. Le cardinal commet sur sa poitrine le signe de croix qu'il ne peut finir. Il s'écroule. Cardona se précipite, met un genou en terre. Il fait signe que le cardinal a cessé de vivre. Il était donc bien comme les autres. Mon père, pardonnez-moi. Mon père! Il ne croit pas que nous ayons fini de le juger. Un jour, on ne le jugera même plus. Veuillez écouter maintenant le débat de la Tribune libre de Théâtre et Université qui réunit autour de Philippe de Chartres, Henri Roland, Pierre Cipriot, Gabriel Matzneff, Marcel Giraudet, Pierre Vincent, professeur de lettres supérieures au lycée Louis-le-Grand, et Rémi Brague, Jean-Loup Thébault, élève de lettres supérieures au lycée Louis-le-Grand. Eh bien, qu'est-ce qui vous a plu ou qu'est-ce qui vous a inquiété dans le cardinal d'Espagne ? Rémi Brague. Eh bien, je crois qu'il est difficile de dire que quelque chose peut plaire dans le cardinal d'Espagne. Car, en définitive, je ne crois pas que Monterland cherche à plaire. Je crois surtout qu'il cherche à inquiéter. Et, justement, en tant que jeune, disons, nous ressentons son inquiétude comme quelque chose d'assez profond, mais pas tellement comme quelque chose de vécu, mais plutôt comme quelque chose que nous cherchons à écarter. C'est une possibilité que nous maudissons, si l'on veut. Nous cherchons à être actifs, nous cherchons à agir, à construire quelque chose, et l'œuvre de Monterland nous apparaît comme une possibilité que nous refusons. Et c'est peut-être pour ça que la pièce peut ne pas plaire aux jeunes. Vous connaissez bien l'œuvre de Monterland, Jean-Loup Thébault ? Non, je dois avouer que j'ai une connaissance de l'œuvre de Monterland extrêmement réduite, pour ne pas dire lacunaire, où j'avais lu les deux premiers volumes des Jeunes filles, mais quant au théâtre, je l'ignorais totalement avant d'aller assister à la représentation du cardinal d'Espagne. Eh bien, après cette représentation du cardinal d'Espagne, est-ce que vous avez les mêmes réactions que votre camarade, Jean-Loup Thébault ? Je partage absolument l'opinion de mon camarade. Je pense en effet que dans la pièce Le cardinal d'Espagne, il n'y a pas la réplique que la jeunesse pourrait apporter, réplique qui se trouvait dans La Reine morte, donnée au roi Ferrante. Rémi Brague. Oui, mais je me demande si justement le problème, et le problème intéressant, ne réside pas dans cette absence de réplique. Si nous avions une réplique jeune, nous pourrions nous projeter dans elle, pour employer le terme consacré. Tandis que là, nous sommes confrontés avec le problème et il prend une intensité dramatique beaucoup plus profonde. Gabriel Matzneff. Vous dites que, étant jeune, étant avide d'action, avide de bâtir, vous êtes choqué et en tout cas vous vous sentez assez étranger à ce vieux monsieur qui vous prêche l'inaction et la submersion infinie. Mais en fait, je crois qu'en ce qui regarde Monterland, c'est assez inexact, car Monterland n'a pas attendu d'être lui-même un homme d'un certain âge pour livrer ce genre de message. Dans le cardinal d'Espagne, la reine dit « Ce n'est pas sur son lit de mort qu'on doit découvrir la vanité des choses, c'est à 25 ans comme je l'ai fait. » Eh bien, dès sa première œuvre, dès son premier roman plus exactement, dès Le Songe, qu'il a écrit entre 23 et 26 ans, Monterland dit sur la vanité de l'action, sur la vanité de ce que les hommes peuvent prétendre construire, à peu près la même chose que ce qu'il mettra dans la bouche du cardinal 40 ans après, et dans des œuvres de la maturité, où Monterland était un homme de 40 ans, donc un homme dans la pleine force de l'âge, La Rose de Sable par exemple, on trouve des passages de ce genre. Tous les autres étaient dans l'erreur, toute l'humanité était dans l'erreur. Erreur, l'ambition, la vanité, le vouloir servir, le vouloir fonder une famille, le vouloir faire une œuvre. C'est une constante très profonde chez Monterland, et je crois que l'âge n'a rien à voir à l'affaire. Et si prenez des héros romantiques, comme Manfred, ou comme le René de Chateaubriand, eh bien ils ont 18 ans, et ils disent sur la vanité de l'action à peu près la même chose que le vieux cardinal Cisneros. Pierre Vincent. Permettez tout de même, le Monterland de 25 ans avait derrière lui une expérience longue et douloureuse. Il avait la guerre, il avait beaucoup de choses. En réalité, nous demandons à ces jeunes gens un tour de force. Nous leur demandons de comprendre un octogénaire qui a derrière lui une œuvre politique immense et un homme d'église par-dessus le marché, et de comprendre l'état d'esprit de cet homme qui cède à la tentation du renoncement. C'est très exactement les antipodes de ce qui peut préoccuper des étudiants d'aujourd'hui. Pierre Thibriot. Mais je me demande si nous ne sommes pas en train de dévier un petit peu, parce que si nous prenons le sujet de la pièce, et j'aimerais que Henri Roland dise là son avis, il me semble quand même que le cardinal jusqu'au bout essaie de soutenir son rôle politique avec le maximum de fermeté. Donc, il y a l'action dans cette pièce, dans toute sa plénitude, dans toute sa force, dans tout son courage, puisque cette action est menée par un homme de 82 ans. Et puis, il se trouve que cette action dialogue avec la non-action qui est représentée par la reine. Mais c'est là que nous revenons à Monterland, puisque constamment il a été mêlé à ce débat. Monterland, l'auteur Monterland, a été mêlé à ces personnages. Eh bien, il me semble que chez Monterland, il y a toujours ces deux directions, de l'action poussée jusqu'au bout et de la non-action qui donne à cette action justement toute sa souplesse. Pourquoi ? Je crois parce que finalement, chaque auteur, chaque écrivain cherche à dire une chose. Et il me semble que ce qui concerne, ce qui intéresse surtout Monterland, c'est l'intelligence. Et l'intelligence profonde de l'action ne peut s'accomplir que si en même temps on pense à la non-action, c'est-à-dire si on pense à deux choses à la fois. Valéry disait autrefois, l'intelligence est penser à deux choses à la fois. Mais je crois que c'est à peu près le même problème. Henri Roland. Monterland a plusieurs fois réclamé le droit pour lui-même et pour les personnages de ses romans ou de ses pièces, le droit absolu à la contradiction. Il l'a souvent dit, il l'a dit quelquefois avec humour, il l'a dit souvent avec beaucoup de sérieux. Ce qui est intéressant, surtout alors au point de vue de l'acteur qui joue ce rôle, c'est de suivre les mouvements d'un déchirement entre deux aspirations absolument contraires. Le renoncement d'une part et l'action politique, l'action religieuse de l'autre. Et tout cela arrive à se contredire en soi et finalement à fabriquer un seul personnage qui est ce cardinal Cisneros, lequel semble historiquement avoir répondu à ce modèle. Marcel Giraudet. Je crois que dans la personnalité de Monterland, il y a la forme d'un grand humanisme et d'un humanisme d'écrivain d'abord. C'est un homme qui a d'abord fait de la littérature avant de faire du théâtre. Et ça apparaît dans le cardinal d'Espagne. Les ressources, les ficelles du théâtre ordinaire ne s'y retrouvent pas du tout. Et c'est un théâtre de pensée, un théâtre d'opinion peut-être, mais un théâtre très profond. Or, qu'est-ce que fait un humaniste ? Il part de l'homme et il revient à l'homme. Peu de grands écrivains se perdent dans la métaphysique, et pas plus dans le cardinal d'Espagne que dans Le Songe ou dans Les Olympiques, il n'y a de métaphysique chez Monterland, au moins pour un lecteur ou pour un auditeur comme je puis être. Quelle méthode emploie Monterland ? C'est d'arracher des masques à des personnages qu'il met dans ses romans ou sur son théâtre. Les masques sont les masques que tout chrétien profond voit plaquer sur l'homme sur la terre, c'est-à-dire les vanités, les passions, les amours, le pouvoir, et tout ce qui n'est au fond pour un chrétien conscient de son christianisme que des apparences, c'est au fond le langage de Jeanne la Folle. Mais dans toute son œuvre, j'ai l'impression que Monterland a passé son temps à arracher les masques de l'amour, les masques de la sensualité, tout en respectant la vie et tout en partant d'une seule idée forte, c'est que ce qui intéresse l'homme et ce qui l'intéresse à tort ou à raison, c'est la vie, et la vie est réelle dans l'action. Oui, le problème se pose de savoir si il ne reste pas cependant que l'œuvre de Monterland est justement une œuvre d'amour et une œuvre d'amour de l'homme. Et le problème se pose, non pas de la signification de l'œuvre de Monterland, mais des significations qu'il y a dans son œuvre. Et ce qui nous intéresserait de découvrir, c'est à travers ce qu'il y a de permanent et disons d'obsessionnel dans les thèmes que Monterland met sur son théâtre, ce qu'il y a de particulièrement propre au cardinal d'Espagne, qui est sa dernière pièce, Gabriel Masneff. Son avant-dernière, puisque maintenant nous avons la guerre civile. Il est certain que, comme je le disais tout à l'heure, ce thème de la vanité de l'action est comme un fleuve, tantôt souterrain, tantôt apparent, mais c'est une constante très profonde et qui exprime une conviction personnelle. Mais je voudrais dire un mot à propos de ce qui vient d'être dit, touchant la métaphysique dans l'œuvre de Monterland. Que Monterland n'ait aucune inquiétude métaphysique, l'homme Monterland, c'est vrai. Monterland n'a pas d'inquiétude métaphysique et il s'en trouve fort bien. Mais je crois que c'est parler un peu vite que de dire que dans le cardinal d'Espagne, puisque c'est la pièce dont nous parlons ce soir, il n'y a pas de problème métaphysique, on ne parle pas de métaphysique. Et le problème que devra affronter Cisneros, à savoir un chrétien et surtout un chrétien presque non-ingénaire, a-t-il le droit d'assumer le pouvoir, de tremper ses mains dans ce bain d'impureté qu'est l'exercice du pouvoir, c'est un problème qui me semble métaphysique. Rémi Brague. Nous avons parlé tout à l'heure de la vie qui se cacherait derrière tous les masques que se donne l'homme, mais il y a peut-être dans le cardinal d'Espagne cette idée que l'homme est comme l'oignon de Pergunte que l'on épluche toujours, et au fond il n'y a rien. Et c'est peut-être cela que veut dire Monterland, que Dieu est le rien, que Dieu doit dépasser même la vie, et que c'est Dieu que l'on trouve lorsqu'on se débarrasse de tout. C'est un thème extrêmement connu, on le retrouve partout dans l'Ecclésiaste, chez saint Augustin, mais chez Monterland, peut-être pourrions-nous d'abord dégager une couche qui concernerait la vie qui serait derrière le masque, et finalement la vie qui céderait et qui céderait à l'âge, au temps, et qui s'anéantirait dans le rien, c'est-à-dire dans Dieu. Pierre Cipriot. Je voudrais dire un mot au sujet de ce que vient de dire Monsieur Brague. Enfin, il me semble qu'il y a dans la pièce deux phrases qui sont assez importantes. Cisneros dit: si nous ne faisons pas les choses dans la passion, nous ne ferions rien. Ensuite, il reprend, il y a une exaltation qui vient de Dieu, il y a une exaltation qui vient de la terre. L'exaltation qui vient de la terre, c'est précisément les œuvres, c'est le travail des hommes. L'exaltation qui vient de la terre, c'est aussi l'exaltation qu'il y a chez Jeanne la Folle quand elle pense aux chevaux qui vont boire au fleuve, etc. Il me semble que cette vie qui n'est pas immédiatement apparente dans la pièce, c'est quand même constamment contenue par touches poétiques extrêmement délicates, mais qui sans cesse font percer cette écorce de vieillesse sur laquelle vous insistiez tout à l'heure. Oui, mais il y a un problème en effet qui se pose, n'est-ce pas, au point de cette discussion. Est-ce que Cisneros est habité par l'amour de Dieu ? Henri Roland. Oui, il est habité par l'amour de Dieu, et l'amour complet de Dieu, il le dit d'ailleurs. J'ai fait servir la terre à Dieu, n'est-ce pas ? Mais est-ce une parole de politique ou profondément ressentez-vous, vous comédien, n'est-ce pas, qu'il y a un dialogue constant entre Cisneros et Dieu ? Et lorsqu'au premier acte, il dit « j'ai donné la foi à des centaines de milliers d'êtres, cela est la charité, il me semble, n'est-ce pas ? » Il parle d'élever des âmes vers Dieu, tout le temps, son aspiration va vers Dieu, le Dieu des chrétiens, qui supporte d'ailleurs, à côté de lui, le besoin de l'action, et même au service de Dieu. Pierre Vincent. Moi, je suis très persuadé qu'on mutilerait jusqu'à les rendre méconnaissables des personnages comme le vieux Ferrante et à plus forte raison le cardinal Cisneros si on ne partait pas de cette vérité. élémentaire que ce sont des chrétiens profondément sincères, plus que des chrétiens, enfin, des mystiques. La première chose, c'est que le cardinal est un prince de l'Église et en même temps un moine, et que perpétuellement et profondément le dialogue est constant entre Dieu et lui. Et que, par exemple, il reproche à la politique, et ça, c'est ce qu'il en détourne, d'avoir introduit dans son oraison à Dieu le souci de berner. Et après tout, de quoi meurt Cisneros? Il meurt d'un infarctus du myocarde, bien sûr. Il meurt de la lettre du roi, il meurt de ceci, il meurt de cela. Mais à mon avis, il y a une réplique à laquelle il faut songer, vous vous souvenez, maître? Il meurt de n'avoir pas pris la Sainte Communion le matin. Oui, c'est ce qu'il dit. Il le dit. Henri Roland. Non, je veux dire, il y a par exemple dans le texte, ceci qui répondrait à ce que vient de dire monsieur Vincent, lorsque la reine lui pose la fameuse question, alors Dieu et César ensemble, comment arrangez-vous cela? Et il répond, la grâce de Dieu l'accorde. Et tout est là, il a la foi. Oui, mais voyez-vous, toutes les répliques que vous donnez, en réalité, sont des répliques qui mêlent Dieu à la politique et qui sont des répliques de politique. Je crois que Cisneros est habité par la passion et l'amour de Dieu, bien sûr, mais cette passion-là transcende les paroles politiques de Cisneros. Autrement, alors le personnage ne serait pas compréhensible et le drame n'existerait pas, Marcel Giraudet. Mais je pense quand même qu'il y a dans le cardinal d'Espagne un type d'homme qui a plu à Monterlan, et qu'on peut, de toute façon, comparer à Malatesta. Et à un moment de Malatesta, Malatesta met en avant le culte d'Adonis, et il prend force sur un mythe auquel il ne croit pas, il l'avoue, et qui me dit à moi, qui n'ai pas la culture chrétienne que vous avez, qui n'ai pas de dialogue avec le Dieu catholique ou chrétien, qui me dit à moi que le personnage du cardinal d'Espagne que je vois sur la scène, et que je considère comme un homme de pouvoir, en même temps homme d'église, est en permanence en contact avec Dieu. Les phrases que vous donnez, les répliques que vous donnez, ne sont peut-être qu'un masque également qu'il se met sur le visage. Oui, mais le problème n'est pas de savoir si Monterlan veut faire la preuve de l'existence de Dieu. Non, mais le cardinal d'Espagne, il ne fait pas la preuve de l'existence de Dieu à mes yeux, à moi, qui suis peut-être un mauvais spectateur. Gabriel Mazeneuve. Il est certainement très difficile de savoir si le cardinal d'Espagne est sincère lorsqu'il prétend être avant tout soucieux de la grandeur du Dieu des chrétiens. Mais c'est toujours très difficile de prouver cela. Il y a un personnage de la guerre civile qui dit « Mais faut-il donc se faire tuer pour prouver que l'on est sincère ?» On peut toujours dire que Cisneros comme Alvaro sont des caricatures de chrétiens. Mais je crois que lorsqu'il dit « La reine a rouvert en moi cette plaie jamais fermée tout à fait, la plaie d'une tentation inassouvie. Je voudrais me prosterner, poser mon front contre la terre, adorer Dieu, ne plus faire que cela. » Il est tout à fait sincère. Il est également tout à fait sincère lorsque il meurt de chagrin, non pas, je crois, pour ne pas avoir reçu la communion, mais lorsque, plus simplement, il apprend que le roi lui ordonne de se retirer dans son diocèse. Et c'est cette contradiction qui est l'aspect passionnant de ce personnage si complexe. En fait, on peut trouver beaucoup de raisons à sa mort, mais la raison la plus profonde, je pense, c'est la reine, c'est Jeanne la Folle qui le tue, n'est-ce pas? Monterlan a lui-même comparé les trois moments de sa pièce aux trois moments de la mise à mort du taureau dans la course de taureau. À partir du moment où Jeanne lui a révélé un certain nombre de choses, il a du plomb dans l'aile, si j'ose employer une expression qui n'est pas très tauromachique, enfin, il a douté de sa raison de vivre, c'est ça qu'il tue profondément. Rémi Brague. Ce qu'il y a de particulièrement dramatique dans cette fin, c'est que le cardinal d'Espagne n'a même pas le temps de prendre conscience du fait qu'il aimait trop la terre. Voilà, on vient de lui apporter la lettre de Charles Quint, qui le remercie en quelque sorte, et il meurt sans se rendre compte que sa mort a été provoquée par un amour excessif du monde. Et je crois que cet amour, que Monterlan juge trop grand, est un élément important de la pièce, car il signifie que l'action en tant que détour pour mener à Dieu est absolument vaine. Au lieu de mener à Dieu en partant de la contemplation, en passant par le monde, puis en retournant à soi, on ne fait que se noyer dans le monde, on s'y absorbe, on s'y perd. C'est, je pense, ce qu'a fait Cisneros. Gabriel Mazeneuve. Vous venez d'évoquer Rémy Brague, Charles Quint. Et c'est vous-même qui, au début de cet entretien, disiez que la jeunesse ne parlait pas dans le canal d'Espagne, qu'elle était absente. Or, elle n'est pas absente du tout. Elle est dans les coulisses. Il y a ce jeune roi qui arrive avec ses freluquets de gants, comme Monterland les appelle, ces jeunes gens d'un monde nouveau, d'une génération nouvelle, n'est-ce pas, qui vont repousser ces vieilles barbes qui entourent Cisneros et Cisneros lui-même. Et la jeunesse, au contraire, est là comme une menace. Et finalement, c'est elle qui triomphe dans le canal d'Espagne. Car le cardinal va mourir et le roi arrive avec ses contemporains, la nouvelle vague. Vous avez dit dans une de vos critiques que ce théâtre était un théâtre du nihilisme. Et puis vous avez dit aussi dans d'autres critiques que ce théâtre était un théâtre de l'amour. Or, Jean La Folle dit que la seule chose qui compte, c'est l'amour, que son monde est le monde de l'amour. On est quand même, je crois, dans cette ambiguïté voulue des caractères qui s'opposent les uns aux autres et même qui s'opposent en eux-mêmes, on est dans un univers qui est très loin de celui du néant, ou tout au moins de la signification qu'on donnerait au mot néant si on le parait simplement des draperies noires espagnoles. N'est-ce pas ? C'est un néant d'amour. Ce rien est Dieu. Parce que ce rien est un rien total qui est le rien d'une âme passionnément amoureuse, je crois. C'est pour moi, en tous les cas, c'est la signification que je retrouve à travers toute l'œuvre de Monterland, et c'est par là qu'elle attache un homme moderne et un homme jeune. S'il n'y avait pas deux êtres passionnés d'amour, passionnés de vérité, comment le dialogue serait-il possible entre ce prince de l'Église passionné de politique et d'exigence ecclésiastique, et cette femme qui fait une profession de paganisme et d'athéisme, hein. Or pourtant, à ce moment-là, il y a une conjonction, il y a une reconnaissance commune entre ces deux êtres que tout oppose dans la dialectique, mais que tout reconnaît dans les cœurs. Alors, comment réagissez-vous par rapport à cette chose qui est un peu mystérieuse quand même ? Jean-Loup Thébault. Mais je ne pense pas justement qu'il y ait un dialogue entre la reine et le cardinal. De même qu'il n'y a pas de dialogue entre le picador et le taureau, ainsi que peut le faire suggérer Monterland dans sa postface. Si la reine parle, la reine monologue, et le cardinal n'est qu'un écho, il esquive les coups, il les reçoit, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment un dialogue. Et pourtant, le cardinal n'est plus le même après avoir quitté la reine. Pierre Cipriot. Je crois que le propre de la reine, c'est de dénouer les contradictions qui sont dans le cardinal, parce que toute femme est un peu sorcière et que c'est son métier. Henri Roland. Il y a tout de même conjonction et dialogue, et réussite du dialogue en un éclair qui est nettement marqué, c'est lorsque la reine parle d'abord des nuages et dit « Chaque acte que je ne fais pas est porté sur un livre par les anges. » Il y a un silence. Le cardinal lui dit « Madame, le moine que je suis entend bien ce langage, je l'entends profondément. » Et au dernier acte, il dit « Il y a eu un moment où pour un peu je lui aurais demandé sa bénédiction. » Et c'est ce moment-là, à ce moment-là, il y a dialogue, il y a d'abord, il y a incommunicabilité entre ces deux êtres, et puis progressivement les choses viennent, et il y a un éclair de compréhension réciproque qui va amener le troisième acte. Gabriel Mazeneuf. Oui, Philippe de Chartres, tout à l'heure vous vous étonniez, vous posiez la question comment une athée, enfin du moins un personnage qui fait violemment une profession de foi païenne et athée peut-elle finalement dans les profondeurs se rencontrer avec un moine franciscain ? Cela est troublant, mais je crois que ce que Monterland appelle la vaste famille que forment ceux qui rejettent le monde est composée de familles spirituelles, et c'est dans un des livres les plus antichrétiens qui a jamais été écrit, La généalogie de la morale, que Nietzsche a des pages extrêmement tendres, admirative et affectueuse pour l'idéal monastique, où il voit ce à quoi tendent finalement tous les esprits supérieurs. Cette référence à Nietzsche représente dialectiquement une idée intéressante, mais il faut bien avouer quand même que le spectateur qui voit le cardinal d'Espagne ou qui entend la pièce n'est pas tiré vers la pensée du monastique. Il est beaucoup plus intéressé par quelque chose d'évident et de charnel, c'est le problème, à mon avis, de la volonté de puissance, Marcel Giraudet. Il y a, dans le cardinal d'Espagne, une volonté de puissance assurée, affirmée, mais en même temps, quelque chose de plus complexe. Par exemple, Monterland a insisté à plusieurs reprises sur le goût de la destruction d'une œuvre bâtie par un homme. Et je voudrais parler, moi, du caractère de Cardona, qui a attiré l'attention très longuement de Monterland. Et vous me permettrez de citer ce que dit Monterland lui-même dans sa postface de Cardona. « Cardona est un demi-sot, dit-il. Mais son mouvement de méchanceté à l'acte 3, quand il veut se venger de Cisneros, lui fait transcender sa sottise, et c'est alors qu'il propose à Cisneros la tentation de dévaster son œuvre par sa mort afin de pouvoir retrouver Dieu. Idée qui bouleverse le cardinal au point qu'il en perd connaissance. Et voici l'idée maîtresse chez Monterland. C'est Monterland qui la donne, qui l'écrit. La tentation de détruire tout ce qu'on a construit est une des obsessions de mon œuvre. » Puisque vous citez la postface d'Henri de Monterland, eh bien, il est peut-être intéressant, pour conclure, de demander à Monterland lui-même ce qu'il pense, finalement, de Cisneros. Et Monterland écrit ceci. « Cisneros est un homme qui se trompe sur ce qu'il est, ce qui rejoint, finalement, la citation que vous venez de faire. » Il ajoute: durant le premier acte, Cisneros se vante qu'aucun affront ne peut le blesser. Durant le second acte, il est troublé par la tentation de la retraite. Mais lorsque, in fine, le roi lui fait un affront auquel il devrait être insensible et lui propose cette retraite après laquelle il soupirait, il meurt de douleur. Et Monterland conclut: le cardinal d'Espagne est une tragédie de l'aveuglement comme Malatesta. Et c'est alors que Monterland donne, au fond, la clé, le secret de sa pièce, en écrivant: ce que chaque être offre de plus exaltant à l'amateur d'âme, c'est sa façon de se mentir à soi-même. L'Office de Radiodiffusion Télévision Française vous a présenté, sous le haut patronage de Monsieur le ministre de l'Éducation nationale, Théâtre et Université, une émission d'Éléonore Kramer. C'était aujourd'hui, dans un découpage radiophonique, Le Cardinal d'Espagne, de Henri de Monterland, joué par les comédiens français dans la distribution suivante: le Cardinal Cisneros, Henri Roland. Cardona, André Falcon. Jeanne, reine de Castille, Denise Noël. Le chapelet Ortega, Jacques Lorset. Doña Inès, dame d'honneur de la reine, Lise Noro. Le duc de Estivelle, René Arieux. Le comte de Haralo, Daniel Le Courtois. Baracaldo, Michel Duchaussois. L'archevêque de Grenade, Simon N. Le baron Van Arpen, René Camoin. Don Diego de la Motta, Paul-Émile Débert. Le gentilhomme de la chambre, Dominique Levert, élève du conservatoire. Mise en scène de Jean Mercure. La Tribune Libre de Théâtre et Université réunissait autour de Philippe de Chartres Henri Roland, Pierre Cypriot, Gabriel Matzneff, Marcel Giraudet, Pierre Vincent, professeur de lettres supérieures au lycée Louis-le-Grand, et Rémi Brague, Jean-Loup Thébault, élève de lettres supérieures au lycée Louis-le-Grand. Réalisation: Éléonore Kramer.